C'est compliqué, donc t'es là, je suis dispo. Mais moi, je faisais en sorte qu'il n'y ait pas spécialement ma tête. Et finalement, tu te rends compte que t'es plus en mode réalisateur de vidéos que dans ton délire, quoi. Ouais, donc voilà. Donc moi, je l'ai regardé, ça m'a pas plu, j'ai supprimé, j'ai pu refaire, et puis voilà. Dis-moi juste ce petit taillé des pipes qui me gardait chiant. Comment elle faisait la sextape? Elle tenait d'un côté le sexe, et de l'autre côté. Non, bah attends, Kim Kardashian, elle a du matos. Bah oui. Ah ouais, elle avait un pied de caméra. Elle avait un chef-op, des lumières. Tu vois, ils sont organisés. C'est les Kardashians, quand même. Elle a du matos à tout point. Oui, voilà, déjà, en plus. Non, il faut. Enfin, un petit pied de caméra. Ouais, c'est ça. Il faut les petits pieds pour les iPhones, là. Ouais, oui, tu veux t'acheter ça? Mais je suis emmerdé, là, j'ai lancé la vidéo de Kim Kardashian, j'arrive pas à l'arrêter. Ça me gêne. Il y a des gens qui passent dans le couloir, ça me gêne. Bon, et sois sûr de toi, Sabrina, tente l'expérience et puis tu verras bien, d'accord? Visionne avant. Oui, et puis après, t'effaces si t'aimes pas. Ouais, exactement. Parce que. Je pense que je vais faire comme vous avez dit, je vais d'abord lui demander de la regarder et si ça me plaît vraiment pas, ben j'efface. Hein, je pense qu'il comprendra quand même. Si jamais t'as des doutes, tu me l'envoies pour validation. Je m'occuperai de toi, Sabrina. D'accord? À mon avis, alors, ça s'appelle un mid. J'ai l'impression. Ça va pas emballer, t'as demandé. Je pense pas, non. Mais on te fait quand même des gros bisous, Sabrina. Gros bisous à vous. Salut, Sabrina. Bon, je crois que je lui ai fait peur. Je pense un peu, oui. Salut, Sabrina. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Et merci beaucoup, on est là aussi. C'était merci trop court. Merci à vous. Ornella Fleury, le point virgule. Ouais. Du... Oui. Vas-y, Doc, fais la promo. Du mardi, non, du mardi au samedi. Bon, alors je vais la faire si tu veux la promo. Tu vas la faire toi-même. Vas-y. Je joue le jeudi, vendredi, samedi à 20h jusqu'à fin juin. Et ensuite, tout le mois d'août, jeudi, vendredi, samedi, 21h15. Et on voilà. Peut, sur des sites internet, on peut laisser son avis et les retours sont hyper positifs. Hein, sur ouais, c'est cool, je suis très très très contente. Tu es l'étoile montante. On va dire ça comme ça. Merci d'être venu. Merci super à cool. vous. Merci et beaucoup. On va retrouver salut. Marion et Enzo, là, c'est le night show qui va commencer sur Fun Radio. Merci à tout le monde pour cette soirée. On vous retrouve dès demain sur Fun Radio à partir de 20h. Bonne soirée tout le monde. À demain. C'est l'histoire du night show. Night show. Le soir sur Fun Radio. Night. Du dimanche au jeudi. On est à 22h à minuit. Minuit. Marion Anso, oh. Amir et Mano. Mano, on est une bande d'amis, Mimi. Qui veulent même pas se pécho. C'est l'histoire du night show, là où travaille Pépère. Des fois il sort sa tête, bute la foudre dans le derrière. Oh. La barbe, putain. Tous les soirs, 22h minuit. Welcome to the night show. Marion. Et Anso. The Night Show. The Night Show. Sur Fun Radio. 22h pile. Bonsoir tout le monde. C'est Marion et Anso, yeah, le Night Show. Hello. Oh, mais ces petits cris en toute virilité, je m'y ferai jamais. C'est définitif. Bienvenue, vous êtes dans le Night Show, 22h minuit, bah, du dimanche au jeudi. C'est nous. Quel kiff de passer ces soirées avec vous, là. Début de la semaine. J'espère que votre lundi s'est bien passé. C'est les examens. Ouais. Ouais, bon courage. On voit vos messages passer sur tous les réseaux sociaux. On essaie de vous répondre. C'est pas facile de répondre à tout le monde, mais on vous souhaite vraiment bon courage. On est avec vous, on croit en vous et on révise avec vous. Courage, en voilà. Route vers la mention. Et si vous avez des petits soucis, des questions éventuellement sur l'histoire ou les mathématiques, appelez-nous parce qu'on est calés. On a Mano à l'AREA qui, lui, en termes de maths et de sciences, est là-haut. Et on a Anso qui, niveau du français, elle est... Oh, bah, on est sur une licence. Bah, dis donc, je sais taper avec mes 10 doigts à l'ordinateur sans regarder mon clavier. Hein. Bah, oh, c'est pas mal. Ça, dis donc. Ça, c'est pas mal, hein. Ça va, toi? Très bien, je suis épanouie. Je suis une petite femme en pleine forme. Oui, en ce moment, Enzo va bien. Elle a une vie bien remplie. Voilà. Tout pas que en... sa vie qui est remplie. Bah, pour que ce soit rempli, c'est bien rempli, ça, c'est ah bah, tout en remplissage, mais complet, quoi. Ouais. Ouais, on ça parle va. De sa vie sentimentale, bien sûr. Ouais. Ouais. Il est 22h, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, ça va, du coup? Bah, écoute, ça va très bien. Très bien. En plus, on a une super bonne nouvelle. On est trop contente avec Marion. Vous l'annonce là dès maintenant. Puisque demain, nous aurons un invité exceptionnel. Ça fait longtemps qu'on l'a pas reçu. Je suis hyper contente. C'est Soprano qui sera là. Et ça, c'est son tout nouveau titre qui vient juste de sortir il y a quelques minutes. Nous venons de le recevoir dans la boîte aux lettres à CD. Moderne, voilà. C'est extrait de son nouvel album qui sortira pour l'automne prochain. Donc il viendra nous en parler demain. Et je propose qu'on écoute Soprano dans un instant, j'en ai rien à foutre. Ah, le nouveau? Ouais. Ah ouais, d'accord. Et bim. Le diable ne s'habille pas en Prada. On va découvrir ce que c'est dans un instant. Référence cinématographique. Ouais, tout ça. Bah, c'est fou, ouais. Bon, en tout cas, ce soir, on va parler des allumeuses. On a une allumeuse qui va nous appeler pour nous raconter sa vie de petite chaudasse. Et puis on aura aussi Clément qui va nous parler d'un truc. Alors moi, c'est un truc que personnellement je ne comprends pas, faisant moi-même partie de la en étant présidente de l'association pour le roulage de pelles. Ouais. Clément, quand tu fais l'amour à sa copine, il ne l'embrasse pas. Oui, bah, c'est donc, un choix. C'est un choix, tout à fait. Donc on va en parler, on parle de tout ce que vous voulez au 01 42 48 5000. Et on va écouter Soprano, mais pas que, il y aura The Chainsmokers aussi tout à l'heure. Don't let me down. Wow. Alors, je propose, vous me dites, est-ce qu'un petit major laser, ça ferait plaisir à tout le monde ? Oui ! Ouais, j'adore. C'est que Diplo est avec Fun Radio ce soir à Bordeaux. Ouais. J'ai vu des images passer, des snaps aussi de l'équipe de Fun qui est là-bas sur place. Franchement, Diplo, il envoie quand même. Ah bah, je te confirme. Le charisme de la personne. Oh, le charme, quoi. Bah, tout, hein. Diplo, si tu nous écoutes. Voilà, Anne-Sau, encore un peu de place pour toi. On est sur un remplissage 3/4. Quoi ? C'est horrible ce mot. Bah quoi ? J'ai un petit cœur sous ce corps de rêve qui fait des folies la nuit, enfin. Bon, Amir des réseaux sociaux, bonsoir. Salut les filles, comment ça va ? Essaye d'élever un peu le débat. Ça va, Amir ? Bah, en tout cas, mon taux de remplissage Facebook, ouais, il est bon. On a passé les 80 000 sur Facebook ou pas ? On n'y est pas. Pas encore. Allez, il faut nous rejoindre, là, Marion et Anso. C'est la page officielle qui n'a pas le petit carré bleu. Pas encore, mais ça va venir pour la saison 2, c'est promis. Si saison 2, il y a. Ouais, sinon, on va aller les voir direct. Hein. Ouais. Bon, ça va rien changer, mais on va essayer. Bah si, parce que les gens te trouvent plus facilement quand il y a le petit carré bleu, on est d'accord. Évidemment. Ça change tout. Ouais, bon, écoute, de toute façon, on verra bien. Marion et Anso, Twitter, ça marche ou pas ? Ouais, je suis pas super bien aujourd'hui, mais personne me demande si ça va. Bah, on t'a demandé trois fois. Si, on sait pourquoi, parce que t'as bu deux cafés et que normalement t'en bois qu'un. Et là, du coup, t'as ton cœur qui s'emballe et que t'es pas bien. C'était ça, Amir ? Bon, Mano, ça va ? Mais c'était vraiment ça, tu voulais raconter ton histoire de café ? Bah, je trouve que c'est bien de partager la vie avec nos auditeurs, parce que on passe notre temps à parler avec eux. Oui, effectivement, mais tu t'es bien rendu compte qu'avec Marion, tu nous l'as raconté déjà hors antenne et t'as vu qu'il n'y avait pas eu le succès escompté. Sachez un truc, mes amis, ce sont les auditeurs et pas vous. D'accord, non mais tes amis, les auditeurs, je parle en leur nom. Non, rien à foutre. Mano à l'aria, ça va ? Ouais, okay. Bah ça va, comme d'hab, vous faites votre programmation et moi le lendemain, je dois m'arranger, voilà, le nouveau soprano, mais même boom. Mais attends, mais on fait ce qu'on veut en fait. Bah oui. Bah, ouais, bah, et après, c'est qui doit, hein ? Qu'est-ce qui se passe ce soir là ? Ils sont chonchons, ils sont pas contents, ça va pas. Mano ! Te laisse pas faire surtout. Bah ouais, je sais. Bah les gars, il y a une forme de rébellion là ou quoi ? Non mais vous avez de la chance, j'aime bien Soprano mais. Ah d'accord. Bah sinon il serait passé quoi en fait ? Bah je fais ce que je veux. D'accord, crédibilité totale Mano. Enzo Standard, bonsoir. Bonsoir les filles. Ça va ? Non, ça va pas du tout. Ah merde, qu'est-ce qu'il y a toi ? J'ai dû caler toute l'émission aujourd'hui, je comprends pas pourquoi moi. Mais mec, tu rigoles ou quoi ? Ah non, je suis pas là pour faire ça hein, pourtant. Hein. Bah, bien non, mais bien sûr que si. Vanne. Ah d'accord, ok. Ah bah c'est très drôle. Bon, on la mettra pas dans le spectacle hein, celle-là. Ah vous m'avez fatigué les trois là, c'est un truc de ouf. Dommage. Enzo, présente-nous le premier auditeur de la soirée. Alors c'est Hanissa, elle a 18 ans, elle habite à Paris et elle a reçu un bête de cadeau. Bête de cadeau ? Ah ouais, c'est un truc de ouf. Allô ? Bonsoir Hanissa. Allô ? Allô ? Salut Marion, salut Enzo. Ça va ? Ouais, ça va, super, et vous ? Bah ouais, très bien, 18 ans toi. Ouais, 18 ans. Donc, qu'est-ce que t'as reçu comme cadeau ? Moi j'ai reçu une PS4 il y a une semaine. Et je voulais vous remercier parce que franchement c'est vraiment super gentil, elle est juste trop bien et voilà. Ah bah ça nous fait plaisir, t'avais joué dans quoi ? De quoi ? T'avais joué dans quoi ? Je devais appeler quelqu'un que je connaissais et lui faire une petite blague, voilà quoi. Je te demande pardon, d'accord, et bah écoute on est hyper contente pour toi. Anissa, t'as pris une photo avec beaucoup. Ta PS4 ? Non, pas encore, mais si vous en voulez une, je peux vous l'envoyer. Tout à fait. Ah oui. Fais-nous une photo un peu comme ça, originale et insolite. Ah bah oui, on va la mettre sur le Facebook, dis donc. Ouais. Surprends-nous, Anissa. Allez, on t'embrasse, ma belle. Ok, merci. Bisous, l'équipe. Merci à toi, petite bisous. Femme. Bisous. Bisous. Reste avec nous sur Fun Radio, puisque dans un instant, on va parler avec vous des objets auxquels vous tenez le plus. Ouais, celui, voilà, vous pourriez pas vous en séparer. Ah, j'en ai plein, moi. Mais genre, on évite ou on a le droit de dire le téléphone ? Parce que personne ne peut séparer son téléphone. Non, téléphone, c'est facile, c'est pareil pour tout le monde. Voilà, on oublie le téléphone, ouais. Le téléphone, on oublie, mais quelque chose de plus original. Ouais. Et un seul, vraiment, on peut en choisir qu'un. Un seul, 01 42 48 5000 et hashtag le Night Show aussi pour réagir. Et puis pour le son tout de suite, le tout nouveau Soprano, ouais, il vient juste de sortir, il est tout neuf. C'est Le Diable ne s'habille plus en Prada sur Fun Radio, il sera avec nous demain en plus. Monsieur. Avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais j'offrais le pouvoir au portefeuille de plus généreux. Mais l'époque a changé. Que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la beuh. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui. Soprano sur Fun Radio, c'est le tout nouveau. Le diable ne s'habille plus en Prada. Il sera notre invité demain. Donc, si vous avez des questions, 01 42 48 5000. Et demain, on va jouer au foot. On vous l'a dit déjà la semaine dernière. On va se faire un match avec des auditeurs. On va filmer tout ça pour la chaîne YouTube. C'est pour l'Euro. On s'est dit, allez, on se met dans le bain. Ouais. Ça va être cool. Et on s'entraîne avec Anso un petit peu. Bah, je vais surtout m'entraîner à porter le short parce que globalement, c'est pas un truc que je porte beaucoup. Oui, parce qu'on sera en tenue. Hein. Ouais, donc je sens que c'est marrant. Ça va être vraiment une vidéo où je vais être vraiment bien mise en valeur, je pense. Ah oui, arrête. Ah, écoute, on verra bien. T'es sexy toi en short avec tes gros seins. si, parce que Anso a de très très gros seins. Cette meuf, excusez-moi. Bah, excusez-moi, elle a des seins énormes. Mais quel rapport avec le short? Bah parce qu'il y a le maillot et le short. D'accord, ok. C'est un ensemble. Rattrape-toi comme tu peux. On voulait parler des objets dont vous ne pourriez absolument pas vous passer si on vous devait, genre admettons, vous partez sur une île déserte, vous avez le droit d'emmener un seul objet, bah, lequel ce serait? On n'a pas le droit de dire le téléphone. Voilà. Ça c'est trop facile. Commence. 01 42 48 5000 et Marion, dis-nous toi, ouais. Moi, ce serait le Steampod. C'est, pour ceux qui connaissent pas, un lisseur un peu révolutionnaire qui est sorti il y a pas très longtemps, qui fait de la vapeur et tout pour lisser les cheveux. Et j'avoue que sans ça, tout ce qui est physique, tout ça, ça va pas, quoi. Alors, effectivement, et d'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne sur un point, puisque Marion m'a prêté son Steampod quand on était au Fun Radio Live. Et on a posté sur le Instagram Marion et Anso une photo avec Niels Van Zandt. Oui. Il y a une auditrice qui a eu un mot. Très gentil pour très toi. Gentil. Je rêve où Anso est enfin coiffée. Et bien, vous remarquerez que ce produit est quand même révolutionnaire parce que grâce à ça, c'est vrai que j'ai un super look. J'aimerais ajouter quelque chose dans cette histoire. Oui, c'est toi qui m'as laissé. Est-ce que c'est le produit qui est révolutionnaire ou la personne qui t'a fait ça qui l'est? Est-ce que t'as vraiment envie de te vanter sur le fait que ce soit toi qui nous lisse les cheveux? C'est quoi? On va dire que le produit est très révolutionnaire. En plus, c'est vrai, franchement, n'importe qui peut l'utiliser. C'est pas pour faire de la pub, parce que moi, je m'en fous. Mais honnêtement, quand t'as des cheveux comme Anso, ah bah c'est la vie. Hein. Bah oui, c'est ça. Mais enfin, si vous pouvez m'envoyer un gratos, je suis jamais contre. C'est clair. Il y a Mehdi de Toulouse qui est avec nous là. Bonsoir, Mehdi. Salut. Ça va, Mehdi? Ça va et toi? Ouais, très bien. On t'écoute sur l'objet dont toi tu pourrais pas te passer. Alors moi, l'objet que je pourrais pas me passer, ce serait mon hoverboard, parce que je passe ma vie dessus à me balader. Ah, quand même. Et donc ouais. Est-ce que t'en fais dans la rue toi aussi, Mehdi? Ouais, bah j'en fais partout en fait. Quand je suis en vacances, par exemple, j'étais en vacances en Espagne il y a quelques mois et je passais ma vie dessus, un truc de fou. Et j'y vais des fois au collège, mais bon. Pas ouais, alors. 24, mais donc dans la rue, etc., j'utilise quasiment tout le temps. D'accord, et c'est vraiment ça, tu pourrais pas t'en passer, genre on te l'enlève et c'est la fin du monde, quoi. Un peu, ouais, parce que ça devient. C'est vraiment devenu un objet que j'utilise ouais, mais hyper souvent. Cela dit, c'est vraiment hyper cool. Hein. Ah, c'est hyper cool. Ouais. Mais par contre, j'ai peur que d'ici quelques mois, peut-être années, ça devienne has-been un peu. Ah bah ouais, c'est sûr, et puis ça va évoluer vachement. Mais là pour le moment c'est ce qu'il y a de plus frais en la matière. C'est cool quoi. Moi perso ouais. Je surkiffe. Bah déjà oui. On le voit nous parce qu'on en a un dans le bureau ouais. Et c'est vrai qu'on en fait beaucoup moins. C'est à dire ouais. Qu'au moment où j'ai réussi à en faire, vous avez arrêté d'en faire. Mais on l'a toujours, on peut toujours l'utiliser. Oui bien sûr. Mais surtout il n'y a pas trop d'espace. C'est à dire que faire le couloir de Fun Radio 14 fois ouais, c'est sûr. Mehdi c'est cool, il va en cours avec ouais. Il va en vacances. Mais nous bon au bout d'un moment voilà. Mehdi t'as une grosse voix quand même pour 15 ans hein. Ouais pas tellement. Bah si, bah, on te le dit. On dirait que t'as 40 ans quoi. Mais bon, non mais c'est un compliment. Oui c'est un compliment. Ouais merci. Mais bah, du coup c'est vraiment un objet qui est utile en fait. On comprend. Donc, bien Mehdi. Ouais on a compris tout ce qui est glisse quoi. Sport de glisse c'est glissade. On t'embrasse Mehdi. C'est vraiment fun. Salut. Bisous, merci de nous avoir appelés. Bon, 01 42 48 5000, appelez-nous comme Mehdi pour nous dire quel objet bah, vous ne pourriez pas vous passer. Je suis curieuse voilà. D'avoir bah, ton objet à toi, Anso, surtout. Bah oui, mais je crois que je suis un peu hors sujet. Mais vous allez voir. Une tub. Allez, buvez pas. T'es malade, je te jure. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. En Face Melody, en fait, c'est un site interactif qui fabrique une mélodie à partir des traits du visage, en fait. Bruno, on a fait le test avec ta photo. Hein. Bonjour, c'est Bruno, comment ça va aujourd'hui? Et Elliot, on a essayé avec ton visage, la mélodie est incroyable, écoute. C'est hyper. Une tête de cul. Bruno dans la radio. Bruno. Reviens demain sur Fun Radio. Alors ce permis Alice, t'en es où? Je suis au taquet, là je commence la conduite, donc y a plus qu'à. C'est comme pour nos auditeurs, y a plus qu'à. Vas-y, explique. Sur funradio.fr, la sécurité routière propose aux auditeurs de répondre à un quiz sur le permis de conduire et tenter de gagner 1000 euros pour payer leur permis. Ça le fait, non? Grave, vivement le permis. Retrouvez aussi les progrès d'Alice sur Facebook, Instagram, funradio.fr et Twitter avec le hashtag Alice passe son permis. Le permis, c'est les bons gestes dès le départ. Conditions et règlements sur funradio.fr. Et voici la sélection Beansport pour 7 euros 2016 qui rentre sur le terrain. J'aperçois Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Darren Tullet, Marcel Desailly en grande forme, Jean-Pierre Papin, Robert Pires, Luis Fernandez, Omada Fonseca, Christophe Jost bien sûr et un Bruno Cheroux très motivé. Vendredi, coup d'envoi de l'UEFA Euro 2016 avec le match France-Roumanie en direct sur Beansport. Et jusqu'au 10 juillet, vivez tout l'UEFA Euro 2016 sur un plateau avec Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. Un été sportif chez Micromania. Vivez des émotions fortes et profitez d'offres exceptionnelles. En ce moment, pour l'achat d'une console Xbox One, Micromania vous offre jusqu'à 165 euros de bons d'achat à valoir sur l'intégralité des magasins et sur micromania.fr. Dépêchez-vous, c'est maintenant en exclusivité chez Micromania. Offre valable du 6 au 20 juin 2016 dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin ou sur micromania.fr. Salut, c'est Moundir. Entre deux maniocs et une gastro, j'écoute le Night Show de Marion et Anso sur Fun Radio. Mais non, Moundir. What? C'est quoi ce jingle? Non mais, alors, Max, notre auteur, t'étais en panne d'inspi, qu'est-ce qui s'est passé? Entre deux maniocs et une gastro? Il est parti en impro total. C'est vrai? Ah, je te jure. Ah, il est fort. Ah bah là, du coup, c'est plus fort. Entre deux... Mais alors, franchement, faut à lui dire quand même que c'est, on est deux meufs assez glamour et que... Tu vois? La gastro de Moundir d'un coup, là, j'ai pas très envie d'y penser, quoi. Enfin, surtout qu'on arrête de le diffuser. Il fait l'impro qu'il veut, mais bon. Bon, on est en train de parler avec vous des objets dont vous ne pourriez absolument pas vous passer si on vous envoyait, je sais pas, sur une île déserte. Et on a absolument dit qu'on n'acceptait pas tout ce qui est téléphone portable, parce qu'on en est tous d'accord. Là. Voilà. Anso, on t'écoute sur le tien. Bon, moi je vous disais que j'étais un peu hors sujet, et moi l'objet dont je pourrais pas me passer, c'est Wacha quoi. Ben c'est pas un objet Wacha. Oui, mais alors, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que des fois, tiens par exemple, des fois, elle me sert de table basse pour poser mon verre, donc si. Mais n'importe et puis, quoi. Elle est douce comme un plaid, donc voilà. Puis elle se frotte à moi comme une espèce de belle. D'accord, ça devient très chelou. Non mais, évidemment que Anso c'est comme le téléphone. Si on pouvait choisir un animal, chacun prendrait son chien, son chat, son poisson rouge. C'est pas le jeu, tu vois. Oui, mais je sais pas, j'ai pas pu. Je me voyais pas noter autre chose. Voilà, excuse-moi, j'ai fait mon choix. D'accord. Il y a Luna de Lille avec nous. Alors Luna, ça va ? Salut toute l'équipe. Ça va Luna ? Salut Luna. Ouais, vous ? Ouais. Dis-nous, ce serait quoi ton objet à toi ? Alors, moi, c'est-à-dire que je suis très gourmande. Alors, si jamais je devais partir sur une île déserte, je crois que je prendrais du Nutella. Je m'attendais à autre chose. Ah ouais ? À quoi ? Bah, gourmande, il s'attendait à une histoire de remplissage, tout ça. D'accord. Du Nutella, mais attends, c'est écœurant au bout d'un moment, et puis ça sert plus à rien, quoi. Ah non, je te jure, moi, si je suis privée de... Déjà, le Nutella, je crois qu'un pot, je le finis en une semaine. Si je suis privée une semaine de Nutella, je peux pas survivre. Et ça vous fait pas ça, à vous ? Moi, le Nutella, déjà, j'aime pas ça. Mais ça fait mal à la gorge au bout d'un moment. Trouvez pas ? Bah parce que c'est hyper opaque et c'est étouffant quoi. Comme les Kinder, j'adore les Kinder, mais au bout d'un moment ça me fait mal à la gorge. Les Kinder ça me fait ça et les bonbons aussi ça me fait ça au bout d'un moment, ça j'ai mal à la gorge. Non, pas super. Repart sur Facebook. Ça fait... En fait les Kinder ça fait ça parce que ça étouffe, il faut boire. Ouais c'est ça. Attends, t'as vu ça où toi ? Bah bien sûr que si, c'est hyper étouffant. Nouveau truc hein. Les Kinder ça étouffe, il faut boire. Excuse-moi, c'est pas non plus un truc de ouf. Bois maintenant quand tu manges un Kinder en même temps et tu verras que Marion, t'auras pas mal. Quand je mange des pâtes, je m'étouffe pas. Oui. Bah non. Et pourquoi je m'étoufferais quand je mange un Kinder ? Parce que c'est le chocolat, c'est comme ça. Ouais, le chocolat c'est un peu acide, voilà. Ça fait mal à la gorge quoi. Et c'est pas comme les bonbons tout ça, c'est vraiment le chocolat. Luna, tu viens de foutre la merde dans l'équipe avec ton Nutella à la con là. Mais bon. On prend quand même, on t'embrasse Luna. Je vous embrasse. Bisous ma belle, bisous. Bisous, je vous ai chopé le top des objets dont on ne peut pas se passer d'après un panel 434 français, c'est le vrai faux du soir, vous le voulez ou pas ? Allez, ouais. C'est parti. Le vrai faux du Night Show. Et 434 français, c'est pas si mal hein. Combien on est en plus, 70 millions ? Ouais, un truc comme ça, ouais. Voilà, petit panel quoi. Ouais. À votre avis, le téléphone portable, c'est dedans ou pas ? Bah oui. Évidemment. La carte bleue ? Oui. Oui. Des talons ? Oui. Non. Pas du tout, les meufs n'ont pas dit ça. Du rouge à lèvres. Oui. Oui, les meufs ont répondu ça. Une montre. Non. Non, pas du tout. Un fer à lisser. Non. Eh bah si. Ah oui, c'est dedans. Le DVD des Visiteurs 3. Non, clairement. Du papier toilette. Oui. Oui, c'est les mecs qui ont majoritairement répondu ça. C'est vrai, tiens, j'y aurais pas pensé, mais c'est vrai que c'est quand même très important. Mais moi, par exemple, à Fun. Quoi ? Attention. Ça m'est déjà arrivé. Alors, je suis parti aux toilettes à Fun. Et il n'y avait plus de papier toilette. Alors du coup, je suis sorti tout nu pour aller dans les autres toilettes. Mais attends, quoi. Attends, mais t'es pas sorti cul nu de la toilette ? Bah si. Mais arrête Amir, à quel moment tu sors cul nu ? Tu remets au moins ton fut ? Non, il n'y avait personne. Alors que ce soit vrai ou non, Amir, parfois il y a des choses qu'il faut que tu gardes pour toi. Mais oui, mec. Ne dis pas ce genre de truc, quoi. Ça me dégoûte déjà que tu fasses caca à Fun. Bah oui, franchement. Excuse-moi, parce que faire caca à la maison ou faire caca à Fun, il y a quoi qui change ? T'as vu les toilettes de Fun Radio ? Et alors ? Bah mec, c'est toi donc il est dégueulasse en fait. Elles sont ignobles. Elles sont terribles, je vous promets, vous voyez pas chez vous. Un jour peut-être on vous les mettra sur Snap, peut-être pas, parce que voilà, mais c'est juste un carnage. Non, c'est un carnage. Moi quand je vais là-bas, je suis hyper propre, hein, je nettoie tout. Oh d'accord, merci. Mais oui, tu fais cul nu quoi. Excusez-moi, je vais aller vomir. Parce que vous êtes honnête, Mano, tu fais bien, t'as déjà fait caca à Fun, dis la vérité toi, moi. Oui, j'ai déjà fait, oui. Bah alors, il y a quoi maintenant ? Pas chez Fun, moi. Voilà. Mais ailleurs, quoi. Voilà. Dans la rue. Dans la rue, ouais. Est-ce que ça fait partie du top ou pas, un stagiaire qui va chercher le café et qui nettoie la voiture le week-end ? Non. Bah non. Ça, c'est que dans ton monde. Voilà, c'est que dans mon top à moi. Et des brosses à dents. Des moon boots qui font office de sourcils maghrébins. Dans le top ou pas ? Il y a une personne qui a répondu à ça. Ah, c'est drôle. Ah, tu rigoles moins. Ah, tu rigolais plus quand tu te baladais cul nu. Hein. Amir, il fait caca à Fun. Il y a Noémie à Guyancourt là qui nous a appelé. Bonsoir Noémie. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut. Hello. Ça va Nono ? Ça va, merci. Et vous ? Bah oui, très bien. C'est quoi ton objet à toi ? Moi, c'est mon déodorant. Ah oui, ça c'est très très bien. Qu'est-ce qu'elle est maline. Ouais, effectivement. Ouais, c'est vrai que, alors je te cache pas, je vais te donner un petit secret puisqu'on est sur les coulisses de Fun Radio. Certaines personnes ici auraient bien besoin d'un déodorant. Ça balance. Non mais c'est vrai que surtout que nous on finit tard, donc fin de journée c'est un peu dur quoi. Pourquoi tu dis certaines personnes? J'ai pas dit que c'était chez nous. J'ai dit certaines personnes au sein de cette radio. Mais comme tout le monde d'ailleurs, dans toutes les boîtes ou au collège, vous dans votre classe et tout, c'est vrai, hein, il y a toujours un qui pue quoi. Ouais, mais tu comprends pas pourquoi. Vrai. Noémie, tu étais plutôt quoi toi? Plutôt déodorant à spray, déodorant à bille? Ouais, spray moi. D'accord, team spray. Moi je suis plutôt team bille, mais bon, chacun. Et il y a l'autre là, la Pierre d'Alain. Ouais, c'est ça. Pierre d'Alain. Ouais. Pierre d'Alain, j'avais pas le mot, hein, tout ça. J'étais persuadée que la Pierre d'Alain, ça, au début, c'était vraiment la Pierre d'un mec qui s'appelait Alain. Mais c'est vrai, mais je suis pas la seule. Noémie, à vous. Bah non. Mais non. Oui, bah oui. Mais à quel moment il y aurait un Alain qui aurait créé une pierre? C'est complètement bah, alors qu'en fait, ça s'écrit Alain. Oui, A-L-U-N. Tout à fait. Bon, ben Noémie, merci en tout cas, grâce à toi, je passe pour une débile auprès de toute la France. On t'embrasse, Noémie. Bisous. Bisous. Il y a Léo aussi à Paris qui est avec nous. Bonsoir, Léo. Bonsoir, Marion. Bonsoir, toute l'équipe. Salut. Ça va, Léo? Ouais, et vous? Ouais. Bah ouais, très bien, on t'écoute sur ton objet. L'objet que je voudrais prendre sur une île déserte, je crois que c'est mon lit. Ah ouais. Ouais, mais tu peux dormir tranquille sur une île déserte, tu te mets dans le sable, tout ça, t'es bien quoi. Ouais, mais t'es pas aussi bien que sur un matelas quand même. Pas aussi bien que dans ton matelas et ta couverture quoi. Ouais, mais moi je pense au côté pratique, le lit dans l'avion, tout ça, c'est pas facile. Bah non, mais c'est vrai, tu peux pas le glisser dans ta poche ton lit. Non. C'est quand même compliqué à transporter. Puis t'as l'air un peu con quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui part avec son lit quoi. Mais le lit, ouais, on comprend l'idée. Bah, toi, tu le fous dans la soute et basta. Hein. Ben voilà, ah, bah oui. Il ouais, y a des solutions celui-là. La réponse à tout, Léo. Tu dors beaucoup, tu dors pas assez en ce moment, Léo? Bah, je vous écoute tous les soirs en fait, jusqu'à la fin, donc ça va. Ah, mais t'es pas en exam, toi? Non, ça va, franchement. Bon, à 11 ans. À 11 ans, d'accord. Ouais, Léo, on t'embrasse, mon chat. Merci de nous écouter tous les soirs. Pas de quoi, je peux faire un dédié? Oui. Dédié à Octave, à Étienne et à toute la CM1 et la CM4. Voilà. Ok, et eh ben on les embrasse, c'est toi aussi. Bisous, Léo. Ciao, ciao. Bisous. Il y a Nathan aussi à Cannes qui est avec nous. Bonsoir, Nathan. Bonjour à tous. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Salut. Ça va, Nathan? Oui, ça va. C'est quoi ton objet à toi? Moi, c'est très chelou, c'est le Blanco. Mais, ah oui, effectivement, c'est chelou. Oui. Le Blanco, bah alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand je me fais chier, bah, j'aime bien péter la souris, péter le. Hein? Péter la souris avec du Blanco? Non, je pète avec quelque chose, une pierre, etc. Le tube. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Ah oui, c'est très chelou comme c'est la souris, tu veux dire le Tipex? Oui, c'est ça. Ah. D'accord, donc toi ta passion c'est de casser des blancos quoi. Ah, c'est sympa. Et qu'est-ce que tu penses du blanco en vernis là, tu sais, en pinceau? Je déteste, tu t'en mets partout et tout, c'est horrible. Mm-hmm. Tu as des amis, Nathan? Oui, beaucoup. Ah d'accord, vous avez comme une team blanco? Vous partagez votre passion, vous faites des petits concours, tout ça? Non, jamais. D'accord, ah, et tu gardes ça pour toi? Ok. Non, bah, c'était une question, mais effectivement, tu peux le prendre comme un conseil. On t'embrasse très très fort, Nathan. Trop mignon. Bisous. Amir, sur les réseaux sociaux, ça donne quoi? Est-ce qu'on a de la réac avec le hashtag Le Night Show? Bien sûr. Il y a Céline57, le collier de ma marine qu'elle m'avait offert. Solène, mon lit. Marion Labesse, mon ordinateur. Alexa, mon lit. Sophie, étrange. Elle dit mon stérilet. Ah bah oui, mais elle est pas bête. Ah oui, mais c'est quand même très pratique. Ah, ouais. Ah oui, mais quand t'es tout seul, t'as pas besoin. Ah oui, bah oui, mais tu sais pas sur qui tu tombes sur cette île déserte. Oui, c'est vrai. Un petit singe qui passe. Moundir. Tu vois, on sait jamais. Maïva et B44, mon chat. Anne, Masso, mon doudou lapin, mon nounours. Mon saxophone, mon ordi, ma PS4. Ma trousse pour éviter tout cas de vol. Bah, hein, d'accord. Hashtag faillot de la classe. Hein. Moi, je prends mon cartable, les gars. J'oublie surtout pas la trousse et l'agenda parce qu'au bout d'un moment. Et alors, tout ce qui est objet utile, quoi. Genre l'équerre et le rapporteur, quoi. Oh, le rapporteur, quelle angoisse. On n'a jamais su à quoi ça sert. Ouais. Capus the best, ma radio pour écouter Europe 1. Magnifique, Capu. Elle est géniale. Un capu, je t'aime. J'adore. Au top. Est-ce qu'on demande à Pépère s'il a un objet qu'il aimerait bien emmener, s'il devait en choisir qu'un, Pépère? Évidemment. Bah, Pépère, lui, s'il a bien un truc dont il peut pas se passer, c'est une peluche, hein. Ouais, c'est pourquoi? Souvenir de quand t'étais petit? Bah non, la peluche, c'est pour occuper ma nièce quand je la... Non, mec. Non. Okay. S'arrête là. Baise. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Fun en incroyable talent qui va débarquer. Et pour vous inscrire, c'est simple, hein, Darion. D'ailleurs... Darion. Attends, relance-moi ce Kungs. Parce que je voulais dire, d'ailleurs, Marion et Anne Soir, bah, funradio.fr. La contraction. Difficile, hein. Donc le Fun en incroyable talent débarque juste après Kungs. Il était avec nous vendredi soir dans le Nord. Lui, c'est vraiment un beurre, hein. Ah bah oui, beurre de chez beurre. Tête de beurre. Kungs, c'est tout. Soir, c'est que demain, les amis, notre invité, ce sera Soprano. Je l'adore, il est hyper cool, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on l'a pas reçu en plus dans cette émission. Ouais. Est-ce qu'il va faire un live, les garçons? C'est prévu ou pas? Non, mais on jouera son tout nouveau single qui sort demain. Eh bah ça c'est beau, si vous avez des questions pour Soprano, 01 42 48 5000 ou Marion et Anne Soir, funradio.fr, ça marche aussi. Oh, vos cellulaires. Fun Radio. Un incroyable talent. Cellulaire donc, hein. Mais ça se dit beaucoup au Canada, hein. Non, ça se dit nulle part, hein. Bah, alors, peut-être que j'ai des souches québécoises et que vous l'ignorez. Comment j'adore. On dit en... Elle est drôle, hein. En Belgique, c'est GSM. Ouais. GSM, ouais. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, nous allons en parler tout de suite dans l'émission. Si vous aussi, vous avez des noms pour vos portables, appelez-nous. 01 42 48 5000. Bon, l'incroyable talent de ce soir s'appelle Vincent et il vient de Mulhouse. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Marie-Miento, ça va? Oui, ça va et toi, Vincent? Ça va, super. T'as 15 ans? Ouais, c'est ça. Ok, et toi alors, il paraît que tu es un futur animateur radio. Ouais. Bon, tu fais de la radio où, comment, sur quoi? Donc, je fais de la radio à Phare FM en tant que chroniqueur radio tous les dimanches en Alsace sur le 95.3. Bravo, c'est déjà pas mal à 15 piges. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, je vous rappelle que Fun Radio recherche toujours une animatrice hein, pour son réseau. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous passez le casting dans cette émission. Nous, direct, bim, on envoie la maquette à Fun. C'est facile. Voilà, on veut pas faire de la discrimination sexuelle, mais on cherche de la meuf. Voilà. Et pas que. Et pas que, des DJ aussi. DJ animateur pour mixer du coup dans Party Fun. Ouais. En direct dans toute la France. Et ça, franchement, ça, c'est, cool, hein. C'est un gros kiff. C'est un contrat aussi, hein. C'est pour cet été et tout. Donc, C'est pas une blague, c'est-à-dire que vous passez dans cette émission, nous on envoie ça au directeur d'antenne. Si ça leur plaît, direct, ils vous rappellent quoi. Voilà, et comme si vous nous donnez un petit billet ou deux, on peut appuyer votre demande. On n'est pas contre un petit Chanel éventuellement. Bon, Vincent, animateur radio, tu connais le principe, quand tu passes dans cette émission, on va te donner du challenge. Oui, et cette semaine, on a décidé d'innover un petit peu. On va te faire faire des trucs qu'on n'a pas forcément fait, ok? Ok. Déjà, la première chose à faire quand tu es animateur radio, tu le sais, il faut vendre de la musique, vendre un titre comme si c'était ton petit bijou, ton enfant, le vendre quoi qu'il arrive, ok? Ouais. Okay. Là, ça va pas être facile puisqu'on va te demander de vendre le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien. Très moderne, très 2.0. Il faut que tu donnes tout, tu trouves des arguments, tu nous vends la musique, quoi, ok? Ok. Vincent, juste pour info, tu as 13 secondes d'intro. 13 secondes. Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Allez, tu peux le faire, vas-y. Ok. Bienvenue sur Fun Radio, je m'appelle Vincent et là, je vais vous passer le tout nouveau Patrick Sébastien. Il est juste énorme, j'adore. C'est tout de suite sur Fun Radio. Ah, c'est un peu court. Ouais, c'est... Moi, je trouvais qu'on y croyait pas trop, quoi. Ouais, et puis le vendre comme une nouveauté, je sais pas. Ouais. Vendre comme un gold, éventuellement, tu vois, comme un titre culte, mais la nouveauté, non. Alors, peut-être essaie de trouver des arguments, tu vois, pourquoi il est bien. Le rythme, je sais pas, la personnalité du gars, trouve des trucs, quoi. À quoi ça te fait penser? Avec quoi avec qui t'as envie d'écouter ce morceau? Il donne envie de faire des câlins, il donne envie de faire la fête, un truc, tu vois. Vincent, tu sais quoi? J'ai envie de te laisser une seconde chance, on le retente. Allez, c'est parti. Ok, parti. Bienvenue sur Fun Radio, je m'appelle Vincent, je suis heureux de vous retrouver. Et là, on va s'écouter Patrick Sébastien, il est juste énorme. Je l'entends souvent dans la voiture avec ma famille. On l'écoute tous ensemble et c'est tout de suite qu'on s'écoute sur Fun Radio. Pas mal. Ouais. Franchement pas mal parce que c'est pas évident quand même. Vendre ce titre, j'adore Patrick Sébastien. Je l'écoute quand même souvent avec ma famille. Bon, premier défi plus ou moins réussi. Moi, je le valide, Vincent. Merci. On enchaîne. Maintenant, tu sais, quand tu es animateur radio, en général, il faut vendre des cadeaux, offrir des cadeaux aux auditeurs. Et des cadeaux qui, parfois, sont pas forcément des trucs de ouf, tu vois. Ouais. Il faut savoir improviser autour de ça. Et là, tu vas devoir vendre un an de suppositoire à Anso. C'est un truc de ouf. Donc, tu vas faire comme si tu l'appelais, elle va décrocher. Et là, tu lui vends le truc, genre, t'as gagné, c'est énorme, tout ce qu'elle va pouvoir faire avec, la totale, quoi. Toi, t'as quand même toujours le chic pour me mettre en valeur devant les gens, quoi. Bah oui. Tu choisis l'objet glamour, quoi. Le suppo, on est bien. Allez, Anso, tu fais comme si tu décrochais, on y va. Allez, bienvenue sur Fun Radio. On va tout de suite rejoindre à Paris Anso, qui est au téléphone avec nous. Allô, Anso? Oui, bonjour Vincent. Oui, je viens de t'annoncer, tu viens de nous appeler au 3228 et tu viens de gagner un an de suppositoire. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis contente. Je vais pouvoir m'en mettre plein de fion. C'est énorme. Tu vas pouvoir en profiter. Et alors, donc du coup, je vais en profiter comment, Vincent? Comment ça se passe? Alors là, je peux pas t'aider, bon courage en tout cas. Ouais, bon. C'est pas non plus... C'est drôle. C'est pas très bien vendu, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que là, t'es un peu pris au dépourvu, quoi. Ouais, bon, normal, c'est pas évident non plus. Et je pense que sur le c'est gagné, il faut aller mettre un petit peu plus d'entrain, quoi. Genre, Anso, c'est gagné, tu vois. Genre Paris-Bercy, tout ça, quoi. Bon, dernier défi, est-ce que t'es prêt, Vincent? Ouais, je suis prêt. Tu sais, quand tu fais de la libre antenne, je sais pas, tu fais quoi comme chronique, toi? C'est avec des auditeurs, c'est de la libre antenne, c'est quoi? Ouais, je fais aussi de la libre antenne, ouais, sur la radio, je suis. Bon, d'accord. Tu devrais savoir, il faut résoudre le problème de certaines personnes, ok? Ouais. Et là, c'est Amir, il va t'appeler pour un sujet bien précis. Amir, t'as ce qu'il faut sous les yeux ou pas? Je te donne, vas-y, tu appelles Vincent pour le problème qui te concerne. Écoute bien, Vincent, il va falloir le résoudre. Ok, pas de problème. Allô? Oui, allô, bienvenue Amir, ça sur la radio. Merci. En fait, moi, je voulais appeler parce que j'ai un énorme souci, j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Oui, En ce moment, en fait, j'ai. C'est un petit peu délicat, mais j'ai mon sourcil droit qui est en embrouille avec mon sourcil gauche. Aïe, c'est l'histoire. Et du coup, tu vois, moi je suis entre deux là et j'aimerais justement pouvoir un peu apaiser les conflits, il faut pas qu'ils se rejoignent, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Ton histoire elle est dure, quoi. Faut déjà que tu mesures, quoi, tes sourcils. Ouais. T'es en train de rigoler là? Faut que tu mesures tes sourcils et puis après ben tu prends le rasoir et tu rases un petit peu un côté pour que ce soit la même longueur. Pas bête. Et du coup après je vais résoudre le problème, c'est ça? Ben écoute, après tu pourras nous rappeler au 3228 et on résoudra le deuxième problème. D'accord. Il est malin. J'ai essayé et puis merci pour tous les conseils. Je peux faire une dédicace? Vas-y, je t'en prie, fais une petite dédicace. Okay. Fais-le, est-ce qu'on est content d'être merci, là, mec. Merci à tous mes potes, à toutes les personnes de mon bahut qui m'écoutent. Je remercie Titi, Cricri, Lala, Florent. Et demande un pack fun. Est-ce que tu pourras me passer les standards? Je veux un pack fun. Ah bah là, il faut jouer au 3228. Hein. Ah, non. Nous, on les donne. Et Vincent, on ne dit pas de raser le sourcil, hein, par contre. On épile, hein, ouais. Parce que sinon, c'est un carnage. Hein. Ouais, et puis, tu aurais aussi pu lui conseiller l'atelier du sourcil, éventuellement une petite esthéticienne, l'atelier ça aurait été bien. Du sourcil, du sourcil, j'ai dit. T'as dit l'atelier du sourcil. Bah, c'est pareil. Du sourcil. Bon, Vincent, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. C'était sympa, en tout cas, elle a une bonne voix, elle a le sourire, il essaye. Après, c'est pas encore très construit. Ouais. Mais pourquoi pas. T'habites où, Vincent? Mulhouse? J'habite à Mulhouse, ouais. Ok, bah écoute, on va voir pour que tu viennes tout frais payer dans les studios de Fun Radio à Paris. Il te faut les 5 oui de l'équipe. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Allez, c'est parti. Enzo. Oui. Manuel. Oui. Amir. Ah, il faut donner sa chance, il est jeune, bien sûr, il est passionné. Bon, genre. Anso. Bon, moi, je suis quand même un peu plus mitigé que vous. Hein. Ouais, moi, je suis. Mais, il est jeune, je vais dire oui quand même. Bah, oui. Il est jeune. Marion. Excusez-moi, on a eu plein de jeunes à qui vous avez dit non. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Et alors, ne vivons pas dans le passé. Mais moi, je dis oui. Voilà. De toute façon, les animateurs radio, on se fait toujours avoir parce qu'on a la même passion et voilà, je sais ce que ça représente à ton âge de venir dans les studios d'une grande radio. Bah ouais, c'est normal, donc il y a pas de souci, viens kiffer avec nous une soirée. Il y a encore du progrès à faire, on va pas se mytho, mais c'est déjà une bonne base. Mais il est hyper jeune. J'ai trop envie de venir, j'ai trop hâte. À son âge, c'est normal. Ouais, c'est normal, c'est cool et c'est très bien déjà que tu fasses de la radio à ton niveau dans ta ville, c'est cool, continue. Bravo. Merci beaucoup. À très vite. On t'embrasse Vincent et à très vite dans les studios. Bisous. Salut. C'est où Mulhouse d'ailleurs? C'est dans l'Est? Oui, c'est vers Strasbourg. Ouais. Ah oui, en plus c'est pas loin, comme ça, vol d'oiseau, il viendra à pied. Ouais. Bon, dans un instant sur Fun Radio, nous aurons Claire au téléphone. Claire, elle a un souci. Elle est automatiquement, il n'y a que des geeks qui sont attirés par Claire. Mais... Ah, elle doit avoir un physique bien spécial. Exactement, donc on va parler comme ça d'attirance, de qui nous attirons le plus. 01 42 48 5000. On se retrouve juste après The Chainsmokers sur Fun Radio. Toi, t'attires les grosses tubs, non? Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I'm losing my mind now, it's in my head. Studio. Il est 22h43, c'est Marion et Anso, et on est tous très chonchons dans l'équipe, enfin la moitié de l'équipe qui suivons activement Game of Thrones, puisqu'on vient de se faire spolier sur le compte Marion et Anso. Retrouve-moi le blast de la personne qui a retweeté que je l'insulte. Effectivement, on a vu personnages, mais je vais pas le dire, personnages ressuscités, voilà. C'est qui? Bjorn. Bjorn, chelou ton blaze. Bah, et tu nous as spolié. Et alors Anso, elle dit: oh bah moi vous me spoliez tout, mais surtout pas Plus belle la vie, hein. Bah non, mais c'est vrai. Mais non, mais ça me saoule. Parce que c'est vrai que je mais regarde. Mais personne va te spolier ça. Bah si, parfois non. Je me fais spoiler sur Twitter. Mais qui c'est en vrai. Parle Parce qu'en fait, je peux pas regarder le soir. Non, mais c'est pas possible. Je vous avoue que je regarde Plus belle la vie en replay le matin. Non, mais attends, excuse-moi, personne, en tout cas aucun de nos auditeurs, ne parle de Plus belle la vie sur les réseaux, je le verrai. Bah si, parfois. Tu suis des gens chelous, toi. Non, mais je suis des gens qui. Je suis des comptes officiels de plus. C'est pas possible. Mais la honte pour toi, Anso, mais Plus belle la vie, non, c'est pas j'assume. Ton âge. Bah, moi, j'aime bien. Il y a plein de gens qui m'attendent. Ouais, oui, mais y a je plein sais. De gens qui m'attendent. Franchement, c'est pas 2.0, Plus belle la vie. Non, c'est pas 2.0, mais ça me détend. Écoute, j'ai l'impression d'avoir. Il leur arrive tellement de choses. Écoute, en ce moment, il y a une histoire de meurtre. Hein. Franchement, j'ai le cœur dans les choses. Ah bon, c'est qui? C'est Ninon qui est dans la merde ou... Non, Ninon, elle est plus là depuis longtemps. Ah bon, c'est Samia. Elle a buté un mec. Puis alors, ce Bauer, son mec. Bah, toi, tu spoil, par contre. Mais non, ça, c'est passé il y a longtemps. Enfin, bref. D'accord. Bon, on est avec Claire de Lyon. La Claire, j'ai envie de te dire bonsoir, petite chaudasse. Hein. Oui, bonsoir. Ça va, Claire? Ça va. Tranquillez-vous, ça va bien? Bah ouais, très bien. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'attires que des mecs un peu geeks, toi, c'est ça? Un peu beaucoup, ouais. Pourquoi? Mais alors, comment ça? Déjà, décris-toi, t'es comment physiquement? On va dire humaine, je pense. Mais quoi? Humaine? Voilà, tu sais te vendre, toi? Non, on va dire, je suis 1m65, 54 kilos, je suis blonde, yeux verts, style un télo. Et pourtant, ouais. Je suis loin d'être un télo. Voilà, je m'habille un peu classique, mais quand je sors beaucoup en soirée, à chaque fois, c'est les geeks. T'es enrhumé, Claire, non? Ouais. Elle veut beaucoup. Ouais, c'est, mais c'est peut-être ce côté un petit peu comme ça qui attire les geeks, tu vois ou pas? Non, là je suis malade depuis ce matin, quoi, c'est atroce. D'accord. Oui. Mais alors, quand tu dis geek, c'est-à-dire des mecs qui sont tout le temps branchés sur leur téléphone, leur ordinateur à lunettes, des boutons, ouais, tout ça, c'est le cliché? Exactement, au premier de la classe, ou costard cravate, ou bouton de tout le temps. Pareil. Genre geek cheveux longs? Non, style un peu gras, sale, bouton non, de... Non, Amir. Et tout ça, quoi. Non, Amir, c'est pas ça. Ah, la pauvre. Non, non, mais elle est malade. Je sais pas, ça arrive. Il y a des gens, oui. par exemple, moi, je sais très bien que à chaque fois, c'est jamais des bombes atomiques qui venaient vers moi. Donc c'est toujours moi qui allais voir les meufs qui étaient belles. Bah, je t'emmerde. J'ai dit... C'est vrai que c'était quand même dépassé, non. Ça, Amir. J'ai dit que c'est toujours moi qui allais vers les meufs qui sont ah oui, super ça, c'est vrai, belles. Ça, c'est vrai. Ah oui. Mais il faut se poser des questions. Ce ne sont jamais des bombes atomiques qui viennent vers moi. Et je voulais que je vous dise, la plupart du temps, non, les meufs viennent pas vers moi. Allez, c'est des meufs. Mais cela dit, moi, les garçons beaux viennent pas vers moi non plus. Hein. Bah, je m'en fous, mais je l'accepte. Hein, moi, j'ai pas de galère. Hein. Moi, jamais les garçons beaux. Alors, toi, par exemple, t'attires quel genre de mec, Anso? Moi, j'attire les mecs un peu torturés, tu vois. Ouais. Un peu genre. Ouais, je vois très bien. Ouais. Poète, torturé. Musicien. Ouais, c'est pas facile, quoi. Musicien. Ouais. Pas des vies faciles à base de tournées et qui souffrent de la solitude avec leur grosse teuf. Bon bah voilà, je vous cache pas que Marion vient de parler de ma vie en entier. On va parler des gens que vous attirez habituellement là. 01 42 48 5000. Claire, tu bouges pas, d'accord? Ce soir, 20h, 22h, c'est

C'est pas possible, il est mort. Bah non, il va revivre. Et elle, elle va être innocentée. La meuf qui est trop nulle en ça, c'est pas ça. Ah merde, c'est quoi alors? Mais je sais pas, mais c'est pas ça, Sardan est bien mort. Tu l'as vu mort? Bah évidemment, parce tout le monde sur, l'a vu mort. Sur des forums, ils disent qu'il va revivre. Non, sur des forums, ils disent pas ça du tout. Je te jure, bah je viens d'y aller. Mais non, bah t'as mal lu, alors c'est pas possible. Retourne-y, c'est Sardan de merde. Il a niqué ma vanne. Je t'apprendrai quand même à spoiler les gens. D'accord. Bon, on était avec Claire de Lyon. Alors Claire, elle a un souci, c'est que eh ben, les geeks ne sont exclusivement attirés que par elle. Oui. Elle n'attire que les geeks. Voilà, donc Claire, toi tu trouves que t'es normale physiquement, t'as pas un style particulier. Voilà. Mais ceux qui viennent te voir, c'est des mecs un peu geeks, passionnés par l'informatique, ou un style un petit peu comme ça, bah pas coinceause, mais presque quoi. Ouais, mais attends. Ouais, tout le contraire de ce que je recherche. Ouais. Mais attends, et quand même, Claire, tu disais que t'avais quand même un look un peu d'un télo aussi. Oui. Physiquement, pourtant, je suis tout le contraire quoi. Ah, donc physiquement, t'es plutôt rock, tu te fais. Enfin, je veux dire, par exemple, tu t'habilles comment? Aujourd'hui, t'es habillée comment? On va dire par rapport à mon boulot, le petit tailleur quoi. Ouais, bah oui, c'est pas non plus très original, quoi. Ah non. Mais ça voilà. Peut exciter, ça excite toutes les catégories de mecs, de toute façon, le tailleur. Hein. Ouais, c'est clair. Mais d'accord. Mais en plus, t'as des geeks qui sont pas mal, hein, quand même. Ah bah bien sûr. Attends. Ah bah, ça veut rien dire, c'est pas parce que t'es geek que t'es moche, évidemment. Mais après, si c'est pas son style, tu vois, le côté geek un peu comme ça, bon, c'est compliqué. Et déjà des mecs très, très intellectuels, non, ça me saoulait au bout de 5 minutes. D'accord, bah écoute, je sais pas ce qu'on peut trop faire pour toi ma belle. Peut-être te dire de changer quand même de style, d'essayer de te lâcher un peu plus, d'aller dans des endroits où peut-être les fréquentations sont pas les mêmes, tu vois. Je sais pas, tu sors où par exemple? Mais dans les discothèques, dans des pubs et tout ça. Mais automatiquement c'est les geeks qui viennent vers moi. D'accord, c'est vraiment bizarre. Qu'il me fasse rire, qu'il me fasse rêver. Non, je vais tomber sur un mec qui va me parler d'ordinateur, qui va me parler du dernier livre intellectuel à la mode, qui va me parler de la bourse. Rasmano. Ouais, mais après, c'est des mecs hyper intéressants. Ouais. Quoi. Moi, il y a une meuf qui me parle de PC ou qui me parle de trucs de bourse et tout. C'est trop cool. La meuf, elle est hyper cultivée. Alors pourquoi? Non. Moi, je ne parle pas de bourse. Eh, chérie, c'est du mec trois fois par semaine et on en parle plus. Parce que là, c'est pas possible. Claire, il va falloir que tu te mouches. Mais là où je rejoins Amir, il y a des geeks qui sont très drôles et tout. Ça veut rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Après... Geek, c'est un trait de personnalité. C'est pas péjoratif. Ah non. Bah oui. Mais t'as, je tombe sur des cassos là, c'est pas possible. Ah bah ça c'est autre chose. C'est autre chose, les cassos c'est pas des geeks, tu vois, c'est autre chose. Peut-être que t'attires des mecs effectivement pas très stables. Là faut se poser quelques questions. Quand même, je tiens à te le dire. Bah oui. Moi tu vois par exemple, je vais te dire la vérité, j'attire aussi beaucoup les psychos. Je sais pas, j'ai toujours eu des psychos qui veulent me pécho, c'est comme mais ça. Mais attends, quel genre de psycho? Bah je sais pas, des mecs qui ont des délires chelous, un passé chelou, des sourcils chelous. Tu vois le délire? Hashtag la personne. Non, mais, bah, je plaisante. Allez, c'est bon. Je plaisante, mais c'est vrai que je pense que c'est par rapport à la radio, forcément. Du coup, il y a des gens qui se lient d'amour pour toi. Mais t'en as aussi, Anne-Sophie, pas genre, tu me regardes avec des grands yeux. Ouais, mais tu sens l'érable un peu là, non? Bah non, mais j'ai aucun problème avec ça. C'est pas pour ça que c'est des méchants gars, mais c'est des gens qui sont très insistants. C'est des gens qui peuvent faire des trucs un peu bizarres, t'envoyer des lettres chez toi, se pointer devant chez moi ça m'est déjà arrivé. Ouais. Enfin, quand je dis psycho, c'est ça, hein, je dis pas, tu vois. Et moi, j'en ai eu quand même beaucoup. Donc je sais pas si c'est. Je sais pas pourquoi. Moi, franchement, Claire, moi, le seul conseil, parce qu'on n'a pas trop de conseils à te donner, non. Mais le seul conseil à te donner, c'est que essaye de creuser avec ces garçons, parce que derrière un côté, un peu un look, un peu geek, et de s'intéresser à tout ce qui se passe sur internet, aux ordi et tout, il se cache peut-être des garçons qui sont hyper intéressants sur plein de domaines. Hein. C'est sûr. Certes, je dis pas le contraire, mais moi j'aime les hommes assez déjantés, assez bad boy et tout ça. Pas les mecs trop sérieux, coincés, tout ça. Non, ça m'intéresse pas. Bah, tu sais que tu peux être geek et bad boy, y a pas de souci. Oui, bien sûr. Pour l'instant, je rencontre des mecs coincés, bad boy, très télo, bon, alors, Claire, geek et tout ça. Claire, ce qu'on va faire, c'est qu'on a entendu ton cri du cœur. Dans un premier temps, tu vas nous soigner ce vilain rhume. Et après, nous, on te tiendra au courant si on a eu des appels, éventuellement au standard, pour faire la rencontre de Claire de Lyon. D'accord? Ouais, c'est possible. Ok. Ok, Claire. Bon, allez. En tout cas, il y a eu pas mal de monde au standard. On t'embrasse très fort, Claire. Et pas mal de gens qui viennent nous dire qui ils attirent, quelle catégorie de personnes ils attirent. Et il y a Dimitri du Pluie en Levelet qui est avec nous. Bonsoir, Dimitri. Salut Marion, salut toute l'équipe. Ça va, Dimitri? Ça va. Alors, quel genre de meuf tu attires, toi? Alors, moi, j'attire les meufs infidèles. Ah, ah, genre les meufs mariées, quoi. Non. En fait, c'est-à-dire qu'elles lui sont pas fidèles. Elles ensemble. Ah. Ah, oui. Et genre, une semaine, deux semaines après, elles vont voir ailleurs, quoi. Oula, ça, c'est chaud, ouais. Dimitri. Ouais. Ça veut vraiment dire quelque chose. C'est mauvais signe pour toi, ça. Comment ça se passe au lit avec elles? Je sais pas, à vrai dire, je sais pas, parce que j'ai pas le temps de leur demander, parce qu'elles se cassent après. Ouais, c'est bizarre. Et pourtant, je suis resté 6 mois avec une fille avant, et elle me disait, c'est cool, quoi. Mais toi, tu le sens comment? T'as confiance en toi, je veux dire, toi, tu prends ton pied, tu sens que les filles kiffent, ces choses-là. Oui, d'accord. Oui. Bon bah écoute, après t'es peut-être tombé, ça faut pas faire une généralité, t'es tombé sur 2-3 filles comme ça, pas stables, un peu infidèles, c'est pas pour ça que tu vas pas tomber sur une fille bien bientôt. Ouais, c'est ça Dimitri, t'as que 21 ans, oui. T'as juste tiré le mauvais lot là. Ouais. Après c'est peut-être parce que je rejoins le profil de Claire, c'est-à-dire que moi je suis un geek, donc je sais pas si les meufs sont attirées par ça ou si c'est par rapport à ça qu'elles vont voir ailleurs quoi. Bah, ça veut rien dire. C'est pas parce que t'es geek que les meufs vont voir ailleurs. Faut pas faire de clichés comme ça. Après, il y a deux formes de geeks. Hein. Il y a des gens qui sortent jamais de chez eux, qui sont tout le temps sur leur ordi bien et sûr. Passionnés de ça. Et puis, je sais pas comment t'es, Dimitri, mais si tu sors, que tu fais un peu la teuf, il y a aucune raison. Je sors tous les week-ends, je suis en soirée avec des potes et tout. La plupart du temps, c'est je drague comme tout le monde, quoi. Et après, sinon, la semaine, je bosse en informatique, donc oui, je suis un geek, à vrai dire. Ouais, mais moi, je trouve ça un peu excitant, un mec qui s'y connaît vachement l'informatique, qui est calé sur toutes les applis et tout. Si le mec est comme Dianso, ouvert, il aime faire la teuf, il n'y a pas de galère, il a une vie sociale, il n'y a pas de souci, quoi. Mais oui, bien sûr. T'inquiète Dimitri, pas. Je pense qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes, t'es juste tombé sur des nanas pas cool, et tu verras que la prochaine, c'est la bonne. D'accord. On t'embrasse. Merci. Bisous. L'équipe, on va se faire un petit tu préfères spécial look. Okay, en gros, on part du principe où il faut choisir la meuf ou le mec qu'on préfère, avec qui on préférerait être. Ok. Ok. Amir, on commence par toi. Ok. Tu préfères une meuf en jogging H24 super intelligente ou une meuf qui s'habille archi bien avec le QI d'une chaise? Jogging H24. Ah ouais? Direct. Ah, c'est dur, une meuf en jogging. Bah, c'est pas grave, mais le jogging il s'enlève, mais au moins la meuf, tu peux parler avec elle quoi. Si la meuf elle est teubée, tu peux faire. Ok. Mano, celle-là elle est pour toi. Tu préfères une meuf qui pue la transpi mais qui fait bien l'amour ou une meuf toujours propre sur elle mais avec une libido d'enfant de 4 ans quoi? Ah, c'est chaud. Ça, c'est très chaud. Ah ouais. C'est pas facile. Bah, je pense que je vais prendre la transpi parce qu'il y a des moyens pour régler ça normalement. Ça dépend, voilà. Crois-moi. Enzo, standard. Ouais. Tu préfères une meuf addict au film porno ou une meuf addict à l'alcool? Il est dur celui-là. Bah, au film porno, moi, l'alcool c'est dangereux. Hein. Ouais, et puis les films porno, c'est pas si con que ça en fait. Bah, ouais, enfin, si. Me demande qui écrit ces blagues. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, vraiment, ça doit être relou quelqu'un qui a du porno toute la journée. Anso, il est pour toi celle-là. Est-ce que tu préfères un mec avec mes dents ou un mec avec les sourcils d'Amir? Les dents du bonheur. Un mec avec tes dents. Bah, c'est mignon mes dents. Bah oui, un mec avec tes dents. Voilà. Un mec avec tes dents. Mais là, vous commencez à m'énerver. On commence à quoi? Mais je suis pas dégueulasse avec mes sourcils. Ah non, on n'a pas dit ça. Mais moi, je préfère les dents de Marion. Anso, encore un pour toi. Est-ce que tu préfères un mec qui est passé dans confession intime pour son addiction à Johnny ou un mec passé dans fait entrer l'accusé pour une histoire de braquage? Pas de meurtre, de braquage. Johnny ou le braqueur? Non, en plus, c'est horrible parce que je peux pas dire ça parce que le braquage, il faut pas le faire et c'est très grave. Mais il y a quand même un délire excitant. Ouais. Quoi. Ouais, oui. Bon, c'est le côté bad boy. Quoi. Le côté bad boy. Ouais, bon, il a fait de mal à personne, il a tout rendu. Non, ouais, enfin non, il a fait de la prison, il est dans cette entrée accusée, mec, c'est qu'il a pas tout rendu, quoi. Je prends le braqueur. Ok, un dernier pour toi, est-ce que tu préfères un mec sans main ou un mec qui a des mains mais qui ne se sert que de sa teub et de rien d'autre? Alors, un petit conseil, pense au jour où il devra changer la couche du bébé. C'est tout ce que je peux te dire. Et imagine-le avec sa teub. Ouais, bah non, je vais prendre un mec sans main alors. C'est vrai? Bah, je sais pas, ouais. S'il fait tout avec sa table, j'imagine la table avec mes parents, quoi. Il va faire la bise à ta mère, ça va être drôle. Oh, quelle horreur! Ça, c'est une bifle. Bonsoir, Guillaume à Arles. Oui, bonjour l'équipe. Salut. Oui. Ça va, Guillaume? Bah, ça va, nickel. Alors, dis-nous, on attire quel genre de filles? Bah, c'est plutôt les filles plus vieilles que moi, voire même les MILF. Et c'est. Je suis pas dans le tri de MILF en plus, c'est ça qui est gavant. Donc voilà quoi, c'est un peu gênant. Je suis pas dans le trip comme beaucoup de jeunes comme moi. T'as quel âge? 26. Ah, il y a plein de mecs qui kiffent ça, hein, attirer des femmes plus vieilles. Mais du coup, elles ont quel âge les femmes que t'attires? Ben, disons qu'en fait, il y a eu deux expériences. Il y a eu une première, j'avais genre 16, 17 ans. J'étais sorti avec une meuf avec une, quand j'étais en colonie en Espagne. Et bon, on a fait notre affaire, etc. et tout. Et un jour, j'ai appris qu'elle en avait 26. Donc, 10 ans de plus, alors que c'était... C'est chelou quand même. Hein. 16-17 ans quand on a 26, c'est bizarre. Hein. Ouais. Ben, disons que c'était la première fois, donc c'était vraiment bizarre. Après, ben, là, dernièrement, par exemple, quand j'étais sur Nîmes, j'étais à une école privée. Ouais. Et elle devait avoir. Ben, j'avais 20 ans et elle en avait 43. Ouais, donc, quand même. Et c'était une de mes profs et elle venait en soirée avec sa fille. Et, une prof? Ouais, c'était une prof et c'était vraiment mesquin quoi parce qu'elle traînait avec sa fille justement à toutes les soirées, au feria, etc. Ouais. Et c'était vraiment mais, chelou quoi. Mais t'as l'habitude de te mettre dans des galères, non Guillaume, quand même? Non, ça va, ça va. Ben, disons que je fais pas exprès parce que ben c'est vrai que le fait d'être dans une école privée, donc en costard, donc un peu mature quoi, ça fait que... Arrête, Marion. Mais oh ben c'est pas moi. Bah c'est qui si alors? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Non mais je plaisante, Bichon. Mais moi, je pense que c'est parce que t'es plus mature que ton âge, tout simplement. T'attires les meufs un peu plus vieilles. Tu dois dégager un truc à la fois jeune et homme, tu vois. C'est ça qu'elle recherche. Ouais, mais bon, c'est vrai que moi, je suis pas spécialement dans le trip, donc c'est pour ça, c'est un peu. Ouais. C'est un peu relou à force. Après, voilà, ça me gêne pas. Si la fille, elle a de genre 3 ans, 4 ans, ça gêne pas. Mais de là à 10 ans, 20 ans... Non, mais il voulait dire si elle a genre 3 ans ou 4 ans d'écart. Non, mais parce que si elle a 3 ou 4 ans, c'est un peu chelou. Alerte, faites entrer l'accusé. Bon, hey, Bichon, t'es célibataire en ce moment? Ouais. Eh ben écoute, si jamais il y a une fille de ton âge, 25 ans, du côté de Nice, c'est ça qui Arles. Est intéressée par toi, Arles. Nîmes, rien à voir. Ouais, Nîmes, qu'elle nous appelle 01 42 48 5000. Ce soir, le night show, c'est un petit peu tourné manège, quoi. Hein. Ouais, complètement. On fait des couples, quoi. Bisous, mon pote. On t'embrasse, Guillaume. Ça marche, bonne soirée à l'équipe. Bisous. Salut. Pépère, au standard. Est-ce qu'il y a un style de meuf que tu attires, toi? Comment ça se passe? Bah, Pépé, lui, il attire que des meufs avec des cratères sur les choux. Ah, mec, c'est horrible. Bah, ouais, non, mais ça dérange. Comme ça, je jute et je remplis les pores de la peau. Oh, ouais. Mais c'est immonde! T'as des vertus exfoliant. C'est bien fait. C'est immonde. On reste avec ça marche. Dans un instant sur Fun Radio, c'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Vous gagnez vos casques sonovantes. En plus, ça c'est cool. On fait de la radio ensemble jusqu'à minuit. 01 42 48 5000. Et ce titre, je m'en lasserai jamais, c'est Imani. Oh merde. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heat in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Take Vous êtes sur Fun Radio, c'est Marion et Anso, le Night Show avec vous jusqu'à minuit. Pourquoi je prends cette grosse voix? Bah, je sais pas, je comprenais pas là. Je te regarde faire, mais je dis rien. Surtout que je vais vous parler d'un truc qui a rien à voir, parce qu'on va jouer au foot demain avec Marion, avec des auditeurs. Nous allons jouer au foot pour célébrer l'Euro 2016. Et si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe quand Marion et moi faisons un peu de sport, je vous propose d'être sur notre chaîne YouTube et aller voir la vidéo qu'on a faite avec West Freestyle. Et vous allez voir que demain, j'aurai la frange qui colle. Ouais, et moi je vais me faire humilier encore. Hein. Voilà, donc voix de chaudasse pour un moment dégueu. Pourquoi tu m'appelles? Bah je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Et dans le Pourquoi tu m'appelles, vous gagnez vos casques sonovantes, histoire de mixer comme ça, de toucher un peu la platine, comme on dit dans le milieu du mix. Ou alors d'écouter de la musique simplement. Exactement, ouais. Marion, petit jingle pour sonovante. Sonovante! C'est formidable. Ce soir, c'est Fabrice qui joue avec nous au Pourquoi tu m'appelles. Salut Fabounet. Salut les filles, salut Marion, salut Anso. Ça va la fabouche. Ça va la forme. T'as quel âge toi? Moi j'ai 28 ans. Et il fait quoi dans la vie celui-là? Il fait quoi à 28 ans? Bah, il est mécanicien. Ça touche du carbu, de la bougie. Est-ce que t'as les ongles noirs H24? C'est ça, exactement. La bonne réputation du mécano, quoi. Ouais, mais je trouve ça un peu sexy, moi. Ouais. Moi, je sais pas trop. Comment tu fais pour enlever le cambouis, d'ailleurs, Fabrice? Bah, on a juste un bon microbi, mais bon, ça part pas, ouais. Ça part pas souvent, quoi. C'est pas grave, c'est l'histoire. Tu veux jouer contre qui ce soir? Je vais choisir Marion. Très bien, Fabrice. Tu choisis Marion. Tu sais qu'on donne des handicaps hein, dans le Pourquoi tu m'appelles, pour que ce soit plus simple pour vous. Ça va. Et donc, Fabrice, ce soir, on va donner ce handicap que j'aime beaucoup à Marion. Tu vas essayer de te faire passer pour un institut de sondage. Ah, d'accord. Voilà, t'improvises des questions plus absurdes les unes que les autres. Ok. Comme ça, Fabrice va gagner plus facilement. Fabrice, on laisse Marion commencer? Ouais, ça marche. Mais quel gentleman, ouais, je m'en doutais. Oh là là là, j'ai l'impression que je suis choisie tellement souvent en ce moment. Maria Cara. Trop de pression. Oui, allô? Oui. Bonsoir, pourquoi tu m'appelles? Non, pourquoi tu m'appelles? Ah, alors je ne sais pas, c'est certainement un quiproquo, mais maintenant que je vous ai, j'avais une question très importante à vous poser. L'été approche, est-ce que vous êtes pour ou contre le paréo? Contre. D'accord, alors c'est une réponse que je note incessamment sous peu. Quant à l'Euro 2016 qui approche là dans quelques jours, quelle taille de maillot faites-vous? C'est pour un institut de recensement. C'est de la merde, ces questions. Ah, d'accord. Je note aussi votre réponse. Il n'y a pas de souci. J'ai une troisième et dernière question avant de vous redemander pourquoi vous m'appelez. Le gouvernement veut changer les paroles de la Marseillaise. Du coup, ça ne sera plus marchons, marchons, mais twerkons, twerkons. Par rapport à ça, est-ce que vous avez un avis? C'est surtout twerkons, ouais. Twerkons, twerkons, c'est pas mal, hein? C'est bien. D'accord. Et pourquoi tu m'appelles? Je t'appelle pas. Et toi, pourquoi tu m'appelles? Alors, quelle cuisson pour la côte de bœuf? On est sur du saignant, du à point ou du très cuit? Là, je suis plus sur un magret de canard. Là. D'accord. Pile ou face? Rien du tout, mais sinon, je peux raccrocher aussi. Ah, ça, c'est vrai que vous pouvez raccrocher, mais peut-être avant, me dire pourquoi vous m'appelez. Mais je vous appelle pas. Bah si, vous m'appelez, puisqu'on s'est au téléphone. On discute, on est là, tu parles, je parle. C'est conversation. Fini, hein. Magnifique. Mais comment il a pu rester aussi longtemps? Il a capté quand même sur l'Euro 2016 que c'était chelou. Combien de temps, Mano? 1 minute 20. Ça n'avait ni queue ni tête. Hein. Franchement, 1 minute 20, alors que c'était complètement absurde, c'est pas mal. Fabrice, c'est chaud. Hein. Ça va être chaud, ouais. Mais non. J'espère que tu as une stratégie. Bonne chance, Fab. On y va. Merci, les filles. Je suis avec toi, moi, mécano. On t'aime, Fabrice Chou. Le cambouis, c'est la vie. Le cancan, le boui-boui. C'est le cambouis. C'est formidable. Vous êtes payé pour faire ça, en fait? Ouais. C'est incroyable. Ça me choque. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi tu m'appelles? Moi, je n'ai pas appelé. J'ai eu un appel téléphonique tout à l'heure qui s'est coupé aussi vite. J'ai pas su qui appelait. Ah, c'est pour ça que tu me rappelles? Tu voulais me dire quelque chose? Moi, j'ai rien rappelé du tout, là. C'est vous qui venez de m'appeler. Ah, je sais pas, moi, on m'a appelé, donc c'est pour ça que je me demandais pourquoi tu m'appelles, en fait. C'est pas moi qui vous ai appelé. Il y a une personne, une dame, qui m'a appelé. Et d'accord. Ça a coupé aussi vite. tel qu'on s'est vu, non, c'est pour ça, non. Je vois pas pourquoi. Non. Est-ce que vous êtes de quel coin? Pour Dijon. Dijon, ah ouais, bah si, on sait. Parce que vous n'êtes pas sorti le week-end dernier, parce que je sais que j'avais vu quelqu'un et on a dû se rencontrer. Non, samedi absolument soir, non pas, monsieur. Non. Absolument pas. Non, ça c'est de la fabulation. Ah, je sais pas, non, bah je pense. Bah, après, je sais pas pourquoi vous m'appelez en fait. Mais c'est pas moi qui vous appelle. Bah c'est bizarre quand même, parce que moi mon téléphone a sonné, et puis bah, mais votre voix me dit quelque chose, je crois qu'on s'est vu déjà. Bah, attendez, je vais vous passer mon mari, il va vous répondre, il est là à côté de moi. C'est pas moi qui vous ai appelé. Monsieur, vous avez une jolie voix. Disant que je l'ai appelé. Allô? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui? Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est vous nous appelez? Non, là c'est vous qui m'appelez en fait, c'est pour ça que moi je veux bien du... Non, j'en m'ai appelé. Paraît-il que je l'ai vu dimanche dernier. Ah bon? Bon. Oui, je crois que j'ai baisé ta femme en fait, mais je suis pas sûr, j'ai un doute là. De quoi donc? Un doute de quoi? Après, j'ai couché avec ta femme, non? Le week-end dernier. Hein? Il me semble que tu dis là? Qu'est-ce que tu racontes tes conneries là, con? Hein? Si, je crois. Ah, pas ta tête, non? Bah si, c'est ta femme, moi. Hein. Bah ta gueule, allez. Salut. Ah ouais, mais non, mais raccroche pas. Tu m'appelles. Oh là là là là, génial. Bon, Fabrice, un peu violent. Hein, ouais, mais tellement drôle, on lui pardonne tout. Et puis très bon client en face. Ah, puis à l'autre, bah, ça va pas. Là. Bon, combien de temps il a fait? Eh bah 2 minutes. Mais en plus, magnifique score pour un auditeur. Bravo, mon pote. Ah, ouais. Merci. Attendez, deux secondes. Vous avez quand même entendu Marion. Non. Magnifique score Marion. Pour un auditeur. Excusez-moi, laissez-moi m'expliquer. Non. C'est parce que la prêtresse du point. Parce que nous, on s'entraîne tous les soirs. Les auditeurs, ça c'est rare qu'ils passent les 2 minutes parce que c'est quand même un exercice, c'est difficile. Et franchement, belle performance. Oui, parce que toi, tu es la professionnelle du genre. L'auditeur qui gagne les 3 minutes 40, il aura un cadeau de malade. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Celui qui arrive à battre le record du pourquoi tu m'appelles. Là, j'ai rien inventé en fait. Non. Cadeau de ouf. Bon, Fabrice, on t'envoie ton casque sonovante, mon poulet. Je vous remercie. On t'embrasse. Et vive la mécanique. Ouais, ça roule. Bisous, Fabrice. Bisous. Dans quelques minutes sur Fun Radio, on va accueillir Félicia. Félicia, non seulement elle a un très joli prénom, pas très courant. Félicia, tête de tigre. Voilà. Mais en plus, elle a une petite spécialité, un truc bien à elle. C'est une vraie chaudasse, une allumeuse. Elle adore allumer les mecs, mais sans jamais aller plus loin. Son souci, c'est que toutes ses copines la jugent. Du coup, elle passe un peu pour la catin de service. Bah, puis c'est dommage. Bah, pourquoi? Bah, parce que c'est quand même bien le sexe. Ouais, mais c'est bien d'allumer aussi. Ouais. Ah, sympa ce débat. On en parle dans un instant sur Fun Radio 01 42 48 5000 si vous voulez participer. Ce sera juste après Drake. Bah oui. Et lui aussi, il allume. Hein. Baby, I like it so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like it so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Where do you wanna go? if you're down, I'll take it slow, make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. 23h18, c'est Marion et Anso et on souhaite un bon ramadan à tous les musulmans qui nous écoutent. Ouais. Bon courage à vous là pour ce mois qui arrive. Je me posais une question quand même, c'est pas forcément évident de cumuler examen, période d'examen et ramadan, ça doit être compliqué. Mais surtout pendant cette période, c'est hyper chaud parce que les jours sont hyper longs quoi. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, mais bon. C'est après, compliqué. Ils ont la foi, donc du coup, ils ont la force. Oui, bien sûr, mais bon, c'est quand même chaud. Moi qui la dalle toutes les 5 minutes. Ah ouais, non, chaud, franchement, big up à eux, ils sont courageux, bon c'est courage. Bien. Bah, bon courage à vous tous. Et puis. Bah là, ça y est, ils ont. Ça y est, c'était aujourd'hui le début. Ouais, ouais, ça commence aujourd'hui. Et mais là, donc, ça va durer un mois, mais c'est bon, tout le monde a mangé là. Je sais plus à quelle heure c'était. C'était à 22h. C'est quand la nuit tombe, c'est ça? Ouais, coucher du soleil, ouais. Exactement. On est avec Félicia là au téléphone au 01 42 48 5000. Félicia, c'est une petite allumeuse. Bonsoir. Salut toute l'équipe, salut les filles, comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va. Alors raconte-nous, toi tu nous as pas mal intrigués parce que tu nous as expliqué que tu t'assumais vachement, que t'étais donc quelqu'un qui n'hésitait pas à allumer les mecs, mais déjà on aimerait bien savoir ce que ça veut dire exactement que d'allumer les mecs, qu'est-ce que tu fais et surtout pourquoi ça te pose problème aujourd'hui? Eh ben écoutez, moi j'ai passé 5 ans en couple. Mmh. J'ai beaucoup souffert en fait de cette relation et depuis ma séparation et ben je suis devenue vraiment une grosse allumeuse avec les mecs. En fait je pense que j'ai beaucoup souffert donc maintenant je vais de mec à mec et je couche avec les mecs comme ça sans spécialement les connaître. Ah mais c'est pas pareil. Attends, parce que moi je pensais que tu les allumais mais sans passer à l'action, ouais, tu vois, oui, à chaque fois. Moi je pensais que ton kiff c'était de les chauffer. Je les chauffe, je les allume, etc. Après ça peut m'arriver, oui, de coucher avec des mecs comme ça, vraiment. Mais ouais, je passe de mec à mec, je les allume, je leur fais espérer certains trucs et voilà, je peux plus m'empêcher de faire n'importe quoi. Ouais, c'est par vengeance un peu donc. Hein. Toi tu l'analyses comme ça, tu te dis j'ai trop souffert, maintenant c'est à leur tour, j'ai envie de me faire plaisir. Ah, c'est ça, c'est exactement ça, je les fais vraiment galérer dans tous les sens du terme et ouais, je me venge de fou là. Et alors, est-ce que ça t'arrive, moi c'est une question que je me pose, de chauffer un mec, mais genre à la mort, par texto, t'es en face, tu l'allumes, décolleté, tu le touches, machin, et bim, tu te barres en mode débrouille-toi avec ça? Bah franchement oui, ça m'arrive. Ah, c'est dur ça. Ouais, c'est dur, ouais. C'est dur, et puis tu te frustres toi-même du coup, non? Eh ben, j'en souffre sans en souffrir, mais du coup, tout le mal qu'on m'a fait, je me venge sur les hommes et jusqu'à ce que je trouve la bonne personne, je continuerai de toute façon. Mais Félicia, quand tu fais ça avec les garçons, genre tu les chauffes et tout, mais après il se passe rien, t'as plus de nouvelles d'eux, après on est d'accord? Non, je les bloque, je les supprime, ou eux ils m'oublient carrément, quoi. Ils voient que je suis la pire des saloperies et du coup, ils me zappent. Ah ouais, mais ouais, je comprends pas. Et t'as pas envie de retomber amoureuse, d'avoir une relation saine avec un garçon sain qui te fasse pas souffrir, ou toi tu sois pas obligée de faire ta chaudasse? Ça te tente pas ça? Bah écoutez, c'est compliqué maintenant de nos jours de trouver une bonne personne, un homme sérieux et voilà, c'est compliqué les mecs. Franchement, je suis vraiment désespérée et maintenant j'en ai plus rien à foutre de tout. Donc du coup, voilà. Jusqu'au jour où j'aurai le coup de cœur pour quelqu'un qui sera sérieux, mais pour parce que c'est ça, là tu leur laisses pas la chance d'essayer de s'intéresser réellement à toi, parce qu'en réalité tu renvoies une image de quelqu'un qui est pas toi, ouais. Et d'une vraie chaudasse, et du coup tu leur donnes pas envie. Tu leur donnes pas envie, ouais, tu renvoies pas la bonne image en fait. Mais faut, là, oui, peut-être, mais je suis peut-être pas encore prête. Je me suis séparée. Ouais, parce que là t'as peur. Et alors Enzo au standard nous disait que tes amis commençaient à te juger et te tourner un petit peu le dos, c'est vrai ça? Ah ouais, carrément mes amis, c'est surtout mes deux meilleurs amis, ouais, ils me tournent le dos, enfin ils disent que voilà, c'est pas bien ce que je fais. Et enfin là c'est vraiment tous mes amis commencent vraiment à éviter de me parler. Après, je peux... ma réputation, quoi. Après, je peux comprendre Félicia parce qu'il s'inquiète pour toi simplement. Mais après, je trouve que tourner le dos pour ça. Oui, tu fais bien ce que tu veux avec ton cul, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, quoi. Après, ils peuvent trouver. Sûr, mais après, je traîne quand même avec pas mal de copines et eux me disent, bah voilà, moi j'ai pas envie d'avoir une réputation, donc bah. Voilà, c'est compliqué, quoi. Ouais. Je suis en train de perdre des amis quoi, à cause de ce que je fais. Félicia, on a trouvé sur internet les signes qui permettent de reconnaître une allumeuse en 5 points. Tu vas me dire si ça te concerne ou pas, si c'est la vérité, ok? Ok. Le premier point, c'est que les allumeuses veulent qu'on les flatte. Est-ce que t'attends ça? Beaucoup de compliments, beaucoup de flatteries? Ah oui. Ok. Elles font en sorte qu'on s'occupe d'elles, ça c'est sûr. Ah oui, carrément. T'as besoin quand même que les mecs s'occupent de toi, soient attentionnés, tout ça, quitte à ce que tu les rembarres après. D'accord. Oui. Sur le top, il y a écrit qu'elles sont arrogantes. T'as pas l'air arrogante. Ouais. Non, c'est vrai que t'as pas l'air arrogante. Ça dépend avec les, ça dépend avec quel homme, mais dépend en fait. On dit qu'elles ont un petit côté mytho, c'est-à-dire qu'elles inventent toujours des histoires ou des amis, des trucs invérifiables, tu vois, pour se faire mousser. Non, pas spécialement. T'as pas besoin de ça. Ça, c'est pas mon cas. Et le cinquième point, c'est l'allumeuse se plaint sans cesse. Mais comment ça se plaint? Elle se plaint tout le temps, de tout, de sa vie. Elle n'est pas comblée, je pense. Enfin, je me plains beaucoup, mais je ne m'invente pas une vie non plus. Ouais. Je me plains. Je suis quelqu'un qui se plaint tout le temps, moi, de toute façon. Bon, moi, je trouve, Félicie, on va demander aux auditeurs là, leur avis là-dessus. Si eux aussi, ils ont déjà allumé quelqu'un, si ça s'est bien passé, mal passé, s'ils sont contre ça. 01 42 48 5000. Moi, honnêtement, on ne te juge pas. Tu fais bien ce que tu veux. Ça te concerne toi. Les mecs, ça, ils vont. Tu vois, j'ai envie de te dire, tu leur promets pas mon émerveil non plus. Le seul truc, c'est que celle qui en souffre le plus, au fond, c'est toi. Toi, tu te mets dans une position délicate. Tu te dégrades un peu ton image parce que, mine de rien, au fond de toi, tu restes une nana qui enchaîne les mecs, qui allume et qui est pas du tout toi. Donc en fait, la seule qui pâtit de tout ça, c'est toi. Donc c'est réfléchis ça. Vraiment à ce que tu veux, quoi. Tu devrais prendre un peu de recul, Félicia, et puis arrêter un peu ça pour que tu te retrouves un peu toi-même, justement, pour laisser de la place à quelqu'un dans ta vie, en fait. Parce que là, t'es pas guérie de ton ancienne histoire et t'as peur. T'as peur et c'est dommage. Non, j'ai plus confiance à aucun homme, donc Les garçons dans l'équipe, est-ce que vous êtes déjà tombés sur une vraie allumeuse, genre qui vous a chauffé de ouf et qu'après qui vous a jeté comme une merde, ou même qui n'est pas allé jusqu'au bout? Amir, par exemple, ça te parle ou pas? Moi, je le fais plus dans le sens inverse, on va dire, déjà. C'est toi qui allumes? Ouais, des fois avant, je faisais ça avant, je m'amusais un peu à chauffer, mais par contre, j'allais pas jusqu'au bout, aller chez la meuf et tout. Ouais, c'était pour le plaisir de séduire. Ouais, c'est pas pareil. On faisait. Ouais, non, mais en fait, j'allumais. Enfin, on se parlait par SMS, tout ça. Et puis après, je la chauffais pour voir jusqu'où elle veut aller. Ouais. Et une fois que je sais que c'est bon, c'est ok, je lâche l'affaire, j'abandonne tout. Mais du jour au lendemain. T'étais un allumeur. Ouais, alors. C'est ça. Ça t'intéressait plus une fois que tu sais que tu l'avais. Ouais, mais je faisais ça avant, jusqu'à 20, 21 ans. Par contre, après, non, je perdais pas mon temps. Mais j'aimerais bien savoir comment elle allume, tu vois. Bah, dis-nous. J'aimerais bien qu'elle nous fasse un petit test. Comment tu allumes? Tu veux que je te teste? Vas-y. Comment j'allume? Je vais sur des sites de rencontres, je vais un peu partout en fait, même en ville. Moi c'est le regard déjà. Enfin, je joue sur le regard tout le temps. Et après moi je les accoste et on va boire un verre et enfin il y a tout plein de. Tu dis que tu les accostes, mais tu leur dis quoi? Bah, je leur demande s'ils sont célibataires déjà, parce que j'aime pas trop casser les délires de couple. C'est bien, ça c'est félicitations. Mais je leur demande s'ils sont célibataires, si ça les intéresse d'aller boire un verre par là, et puis si ça les intéresse, on va boire le verre, et après chez lui, chez moi, et puis voilà quoi. Ouais, ça va. C'est soft, c'est de l'allumage soft. Ouais, je comprends. C'est pas genre elle se balade sans culotte et prend la main du mec et bim quoi. Ah bah, non. Ça, et il y en a qui sont comme ça, hein. Ça s'appelle être psychopathe en fait. Moi je l'ai entendu, là je suis chaud, ça y est. Ah bah oui, non, mais en plus elle a une jolie voix, mais calme-toi quand même. Manon, à l'arrière, je te vois pas du tout, toi, te faire allumer comme ça par des meufs. Ah non, pas du tout, ça m'est jamais arrivé, je crois pas. Pas que je m'en souvienne. Et toi, t'as déjà allumé une meuf, mais genre violent? Tu l'as chauffée et tout? C'est pas trop mon style non plus, je suis plutôt sage. D'accord. Bon, je pense que c'est pas le style des meufs non plus, tu vois, genre du tout. D'allumer Manon? Ouais, c'est ça. mais vous savez, Manon, c'est un petit coquin, hein, parce que mine de rien, derrière ses petites lunettes sales, il drague des meufs, hein. Bah, évidemment qu'il les drague, mais c'est pas pour ça qu'il les allume. Ah, mais il les chauffe bien quand il les drague. Mais là, il est en couple. Il est en couple, mais Mano, moi je l'ai connu et à l'époque il était pas en couple encore. Ah bah, ouais, j'espère qu'il drague. Je me rappelais pas que je chopais beaucoup, mais. Hey, Mano, pour la petite anecdote, Mano, parce qu'on était ensemble à l'école il y a un petit moment, ouais. Il avait 19 ans ou 18 ans et il se tapait une meuf de 27 ou 28 ans, je crois. Mais non. 26, ouais. J'ai envie qu'on fasse un truc avec Mano là. Vous voulez pas qu'on fasse un délire? C'est-à-dire que chacun va essayer d'allumer Mano et tu vas devoir choisir celui qui allume le mieux. Ok, c'est allez. Hyper gênant. C'est hyper gênant. Bah, choisis ta méthode. Bah, tu sais, et Félicia, tu joues avec nous. Hein. Vous voulez que je commence? Vas-y, Marion, commence à allumer Mano. Bon, bah, Mano, voilà, j'ai beau te tailler depuis le début de l'année. Moi, je trouve que ton petit style, comme ça, un petit peu coinceau, finalement, ça m'excite. Donc, je vais pas te proposer grand-chose. Une nuit, que toi et moi, on n'en parle plus, c'est réglé. Ça restera entre toi et moi. Tu réfléchis à ça, j'ai rien d'autre à dire. Avec cette voix. Bon, attends, je me lance aussi. Bon, bah, Mano, c'est horrible, moi je peux pas le faire. Je peux si pas. Tu peux. Mano, c'est comme mon petit frère, c'est impossible quoi. Anso, allez. Ça devrait être plus simple du coup. Prends la voix de pépère quand tu fais ça, mais. Con, lui. Voilà. Mano, Mano, c'est vrai qu'on partage beaucoup de choses et, et moi, c'est, entre toi et moi, c'est vraiment spirituel. Et donc j'aimerais maintenant savoir comment ça pourrait se passer physiquement entre nous. Et qu'on se retrouve tout nus et que nos corps glissent l'un sur l'autre. Je pourrais effectivement vomir là maintenant. Non. Mais ça glisse au moins. Pourquoi okay. pas. Amir, vas-y, tente ta chance. Ah bah oui, c'est tout le monde. Allez, on sait jamais. Tout le monde. Allez. Et après ce sera Félicia. Mano, tu vois, t'es un mec que j'apprécie beaucoup. Ouais, non, c'est bon, arrête-toi. Non, vas-y. Non mais j'essaie d'aller jusqu'au bout. Allez. Vas-y. Eh mais tu sais, un homme peut énerver un homme. Hein. Je sais, merci. Ouais, d'accord. Donc voilà, je t'apprécie beaucoup. Je trouve que t'as beaucoup de charisme. T'es un mec, voilà. T'es... Pour toi, j'enlèverai mes sourcils. Voilà. Ah, c'est beau. Ouais, c'est pour toi, je les détacherai. Félicia, faut que. Je les offrirai. Faut que c'est tu beau. Tentes, Félicia, maintenant. Vas-y. Oh là là. Alors, est-ce que ça te dit de venir chez moi ce soir? Et du coup, moi, je vais m'occuper de toi. Je vais te glisser de la pommade partout sur ton corps. La pommade. Ouais. Alors tiens, inflammatoire. C'est horrible. La pommade, quoi. C'est terrible. Nul. Non, tiens, inflammatoire. Non, mais c'est pas pareil, là. Et de la pommade. Je l'ai pas en face de moi. Ou ouais. du beurre. Bon, Mano, fais ton choix. T'as le choix entre moi, Anso, Amir des réseaux sociaux ou Félicia. Je pense que Marion a été la plus performante. Ouais. Ah ouais, grave. Allez, allumeuse d'or, c'est pour moi. Ouais, mais t'as l'habitude toi aussi. Hein. Bah pourquoi, c'est vrai. Ouais, t'as un passif quoi. Ouais, et c'est la fais bosse quoi. Bon, il y a du monde au standard. Il y a Thibaut de Bourges qui nous a appelé. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Salut Marion. Salut Anso. Ça va Thibaut? Alors moi en fait c'est assez simple. Bon, maintenant je suis marié. Donc, ça me concerne beaucoup. Mais quand j'étais plus jamais. Alors on ne comprend pas ce que tu dis, hein, Thibaut, on ne t'entend pas. Hein. Pardon ? Ah voilà, là on t'entend, parle bien près de ton téléphone. Allô ? Oui, je suis là. Pardon. Allez, on t'écoute, vas-y, on t'écoute. Voilà, désolé. Donc je disais, quand j'étais plus jeune, en fait, j'arrivais jamais à savoir quand une fille m'allumait. Et ce qui était amusant, c'est que bah, forcément, quand pour beaucoup, c'est devenu des potes par la suite. Et quand on en reparlait quelques années plus tard et que je leur disais, bah non, j'avais rien grillé, elles me regardaient avec des yeux tout ronds, non, mais t'es débile, mais je grillais rien du tout. Ah, il y en a des mecs comme ça, hein, qui voient pas. On a beau lancer tous les signaux du monde possible et imaginable. C'est insupportable. Vous ne voyez pas. Non, mais je voyais rien du tout, quoi. C'était blackout total. C'était un vide, j'étais pas du tout sûr de moi quand j'étais plus jeune. Donc, du coup, si tu veux, ça me paraissait pas logique qu'une nana s'intéresse qu'à moi. Et du coup, voilà, quoi, je ne sais pas. En fait, il y a deux catégories. C'est soit le manque de confiance dont tu faisais preuve, je pense, Thibaut, ou alors soit les gens sont aveugles. Par exemple, Christina de chez Bruno dans la radio. Elle, quand elle se fait draguer, mais elle ne le voit pas. Le gars pourrait être tout nu devant elle. Ah ouais. Et avec une grosse érection qu'elle se dirait, ah, mais non, mais c'est pas possible, il ne me drague pas du tout, quoi. D'un autre côté, il serait avec une grosse érection devant elle, c'est pas de la drague, hein, c'est une agression. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais moi, je trouve ça encore plus excitant, les mecs comme toi, Thibaut, qui voient pas les signaux et qui sont nonchalants et comme ça. Et t'as beau faire ce que tu veux, t'arrives pas à attirer leur attention. C'est quand même, il y a un côté mystérieux. À force, c'est frustrant aussi. Je pense que ça doit être frustrant au moment où tu dis, c'est ma gueule, on a rien à faire, quoi. Ouais, mais c'est hyper mignon. C'est hyper mignon. On valide. Tout va bien maintenant, Thibaut. T'es marié, tout va bien. Je suis marié, tout va bien. J'ai pas besoin de chercher autre chose, donc c'est impeccable. Donc maintenant, je m'en fous totalement de pas le voir. D'accord. Parce que tu sais que t'as une super jolie voix, Thibaut. Ouais, c'est vrai. Merci, c'est gentil. Et tu sais que Bourges, Paris, c'est quand même pas très loin, Thibaut. Mais là, vous faites un plan à trois, là. Ouais. On essaie de voir s'il voit les signaux. Ouais. Ouais, non, mais là, c'est pas des signaux. Là, c'est une mise à feu, mais ça va. Par contre, je peux dire juste un mot par rapport à. C'est Félicia, ton prénom, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Juste un point. Je comprends totalement que t'aies pu souffrir par des mecs. Par contre, il y a un truc, c'est qu'en fin de compte, quand tu couches avec un mec comme ça, c'est que tu penses être toi une vengeance. En fait, fait, c'est faire plaisir au mec avec qui tu couches, mais en aucun cas, ça reste une vengeance par rapport au mec qui t'a fait blesser avant. Ah, bravo! Ah, Thibaut! Ah, ouais! Ah, ouais! Allez, Thibaut! En fait, c'est toi que tu blesses. Alors, après, je te connais pas, je ne te juge pas, tu fais exactement ce que tu veux. Il n'y a aucune raison qu'un mec puisse coucher avec autant de nanas qu'il veut et pas une fille. Ça, par rapport à ça, on est d'accord. Mais le fais pas par vengeance. Fais-le pour ton plaisir personnel si t'as envie, parce que le mec te plaît, que t'as envie, mais si c'est juste pour dire, ouais, lui, je peux me le faire. Bah oui, on est d'accord. Intérêt, et dans quelques années, tu te diras, ah putain, merde, quoi. Tout est vrai, Thibaut. Ouais, mais jusqu'à temps qu'il s'attache et après, je le. Mais non, voilà, chérie. Chérie, ouais, on va s'arrêter là-dessus parce qu'on en a déjà parlé, mais honnêtement, fais attention à toi. Déjà, protège-toi parce que bon, c'est bien beau d'aller voir à droite, à gauche comme ça. Mais honnêtement, tu te fais plus de mal à toi qu'à autre chose. Ton ex, il en a rien à foutre de ce que tu fais. C'est pas une vengeance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, protège-toi et essaie de trouver quelqu'un de bien qui te rendra heureuse beaucoup plus que ce que tu l'es maintenant. Hein. Ok, Félicia? Ouais, c'est sûr. Ok. Bon, on t'embrasse, ma chérie. Je vous fais plein de gros bisous. Fais attention à toi. Bisous. Thibaut. Ouais, à bientôt. Bisous. Bisous, Thibaut. Merci de nous avoir appelés. Merci. Bisous à vous. Ciao. Bisous à toi. Dans un instant sur Fun Radio, c'est le Je te demande pardon qui va débarquer. Vous gagnez vos PS4 en plus. Ça, c'est cool. Et puis, pour le son, tout de suite, on écoute le tout nouveau Major Lazer. Ça s'appelle Boom. On est en direct, là. Marion et Anso, le Night Show, jusqu'à minuit sur Fun. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. Baywatch. I met her at Playhouse. Ooh, yeah. Bought 10 bottles, bought 10 more. 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Shit though? Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons will be up there, need a pile of. Whoa. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckin' that. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. Yeah. We'll come home. Rider, break a cup. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a show lot of sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other, other. Man a girl is from instanta forever. Fun Radio, c'est Marion et Anso tous les soirs là en direct sur Fun Radio et je voulais vous parler d'un instant beurre que j'ai vu sur internet aujourd'hui. Oui, c'est un jeune homme qui a construit un Monopoly en bois. En plus, il a tout fait lui-même pour pouvoir demander sa meuf en mariage. C'est-à-dire qu'en gros, il a redonné des règles au jeu pour pouvoir lui demander un mariage à la fin. Et donc dans la case taxe là, tu sais, tu dois payer des taxes, ouais. Je sais pas quoi, un truc à la con là, entre les deux villes les plus chères. Et ben il y avait une petite trappe avec une bague dedans cachée, tout. C'est vraiment l'instant beurre quand même. C'est trop mignon. Moi j'avais vu le mec aussi qui l'avait fait, qui avait formaté un jeu vidéo Mario Kart. En fait, la meuf elle jouait et plus elle jouait, plus ça écrivait Will you marry me. Ouais. Et franchement c'était trop mignon. À la fin elle explose de joie. Il y a beaucoup comme ça de demandes. Qui ne marieront jamais. J'ai l'impression. Mais si. En tout cas si vous voulez me demander un mariage de manière simplement, ça marche aussi, quoi, je prends. Voilà. T'as un truc à te faire pardonner. C'est l'heure du. Je te demande pardon. Et ce soir, j'aimerais bien que ce soit Enzo et Mano à la réa qui expliquent ce que c'est que le je te demande pardon, ce qui a gagné, tout ça, tout ça. Ouais, d'accord. Allez-y les mecs, faites ça bien. Okay. Nous, on est là en mode relax. Allez. Qui commence? Ah bah toi, vas-y, honneur aux dames. Eh bah écoutez, je te demande... Eh bah je te demande pardon, c'est le bon moyen pour se faire pardonner à l'antenne devant tout le monde. Et en plus, vous repartez avec une PS4. Ouais. Bah donc il a tout dit. Enzo, quelque chose à rajouter? Inscription par mail mario@funradio.fr. Sinon vous nous appelez directement 01 42 48 5000 et on pourra vous faire passer comme ça l'antenne. Ouais, ouais, c'est pas mal, franchement, c'était bien. Voilà, bah écoute, Enzo et Manolo Night Show. C'est signé, saison 2, bim. Bonsoir Anthony. Bonsoir, salut Marion, salut Enzo, salut à toute l'équipe. Salut, Zouzou. Alors Anthony, 16 ans de Paris. Oui. Bon, qu'est-ce qui t'amène chez nous? Qu'est-ce que t'as fait comme grosse connerie, toi? Ben, au lycée, là, ben, je suis en seconde et Charles aussi. Et Charles, c'est ton pote, c'est ça? C'est celui que je bijoute. Enfin, je bijoute, enfin, comment dire? C'est ton souffre-douleur, quoi. Voilà. Et j'ai ouvert les yeux et tout ça. Et à chaque fois, en fait, qu'il ouvrait la parole, au début d'année, même voilà, et je disais toujours ferme ta gueule ou. Des fois, je le poussais dans les escaliers. Oula. Anthony, méchant chat quand même là. Ah ouais, ça se fait pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Il est juste. Il a quelque chose en particulier? Rien, ok. Non, je sais pas, c'est sa tête qui me. Non, mais franchement, sans déconner, c'est bien que tu fasses ça. Déjà, je trouve que la démarche est cool. Mais il faut faire vraiment attention parce que ça peut être dramatique quand t'es persécuté comme ça à l'école. C'est terrible. Et voilà. Et non, mais il y a des histoires. Anthony, de plus jamais, de tous ceux qui font ça, d'arrêter parce que c'est mal, quoi, parce que c'est pas bien. Et il y a des histoires qui finissent très mal. Moi, je voulais m'excuser auprès de Charles parce que j'ai ouvert les yeux et j'ai compris que ça servait à rien. C'est bien, d'accord. Ça le faisait chier. Bon, écoute, j'espère qu'il va accepter tes excuses et j'espère surtout que tu recommenceras pas. Non, t'inquiète. Allez. Et il y a moyen aussi que tu lui offres la PS4, ce serait pas mal. Sois sincère, Anthony. Hein. Oui, bah oui, je le suis. Ah oui, mais. C'est pas facile ce qu'il a vécu, franchement. Je suis un peu passée par là et je peux vous dire que j'en ai gardé des séquelles. Bah t'en as gros sur la patate. Allô? Oui, Charles? Ouais. C'est Anthony, j'ai réussi à avoir ton numéro par des potes. C'était pour te dire que... Ben, c'est qui? C'est Anthony. T'es sérieux? Tu m'appelles? Qu'est-ce que tu me vends encore? Non, mais t'inquiète, c'était juste pour... Mais moi, comment ça, t'inquiète? Déjà la semaine dernière, tu me voles mon sac encore? Tu veux quoi en fait là? Bah c'était enfin pour m'excuser de tout ce que je t'ai fait depuis le début de l'année parce que j'ai pris conscience que c'était pas bien. Mais tu rigoles là? C'est une blague ou tu? Non, je suis sérieux parce que j'ai compris que j'ai eu une discussion avec mes parents et comme quoi c'était pas. Même moi, ça m'a ouvert les yeux de plus faire ça, que c'était pas bien, que j'ai pas envie que d'autres personnes aussi le fassent, ce que j'ai fait. C'est mal. Mais attends, tu m'as pété le bras et t'es en train de me dire désolé, là. Oui, mais enfin, oui, c'était pour essayer de... Parce que je m'en veux, quand même. C'est quand même grave, ce que je t'ai fait, et du coup, Attends, déjà, c'est qui t'a donné mon numéro, là? Sébastien qui m'a donné ton numéro. Bah déjà je vais changer de numéro là parce que ça me saoule. Tu me veux un truc en fait là, tu qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Mais c'était pour m'excuser déjà, Non mais les 10 euros que tu m'as demandé la semaine dernière, c'est bon, je les ai pas moi. Mais c'est pas grave, tu me les donneras pas. T'inquiète, garde les 10 euros, garde tout. Je te rendrai tout ce que je t'ai pris et t'inquiète, c'est tu comprends pas que j'en ai marre de toi. À chaque fois tu me saoules. Mais je me pleure pas, faut pas, je suis désolé. Bah si, t'es chiant, j'en ai marre. Désolé, enfin, ça me fait chier de te voir comme ça, parce que je me dis que c'est à cause de moi et j'aime pas. Non mais c'est bon là, je vais raccrocher, je vais changer de numéro. Non. Allô, Charles. Non. Allô. Charles. Bonsoir Charles, c'est Marion et Anso, t'es en direct sur Fun Radio. C'est quoi ça? Alors ça, c'est une radio fort sympathique qui est à bonne cote en ce moment. Ça voilà, marche plutôt pas mal. Voilà, tout ce qui est DJ, le son dance floor et la teuf dans son corps. Voilà, quoi. Bruno le matin, Love in Fun, et puis après, le night show. On y est, c'est nous. Et Anthony, il t'a appelé parce qu'il s'en veut beaucoup, beaucoup de ce qu'il t'a fait subir. Alors je sais que c'est facile à dire. C'est facile à dire parce que c'est toi qui as mangé là depuis des mois. Mais vaut mieux tard que jamais. Il s'en est rendu compte. Il s'en veut beaucoup. Et il te promet maintenant, aujourd'hui, ce soir, sur Fun Radio, devant tout le monde, devant toute la France... Et tout le monde, éventuellement, d'arrêter. Ah, mais c'est pas parce que t'es à la radio que j'aurais préféré que tu me les fasses en face, tu vois. Mais là, je sais pas. Je te le dirai en face, t'inquiète, demain je te le dirai en face. Et mais après aussi, enfin, c'est tout le monde le dit, tu vois, dans la classe. T'as une tête à claque, quoi. Anthony, n'importe quoi. Ouais, mais, oui, enfin, désolé, mais c'est, je préférais être honnête. Non, mais il n'y a rien qui justifie. Au moins, il sache qu'il n'y a pas que moi qui fait des trucs. Non, mais déjà, promets-lui d'arrêter de lui briser les membres, parce que bon, c'est quand même utile, un bras. Oui, je te promets d'arrêter. Et Charles, ben, malheureusement, c'est pas une excuse, Anthony, la tête à claque, n'importe quoi. Mais non. C'est pas moi qui le dis, c'est toute la classe. Et alors, il continue tout le temps. Non, mais là, il a vraiment pris conscience des choses. Donc, ce que je te propose, moi, Charles, t'es pas obligé de l'excuser aujourd'hui, ce soir, mais attends de voir comment ça se passe les jours qui arrivent. Là, il reste quoi? Un petit mois de cours, même pas, hein? Ouais. Quelques semaines, vois si ça va mieux, vois s'il fait vraiment des efforts, et après, tu pourras peut-être lui pardonner. Ok. Mais c'est une vraie démarche sincère, Charles, hein. Crois-le, Anthony. Hein. Ah ben, j'espère vraiment. Oh, Bichon, tu me fais trop de la peine. T'inquiète, Charles, on va parler et t'inquiète, tu verras que je suis sincère. Ok, et du coup, pour les 10 euros, c'est bon? Oh, Bichon. Oui, t'inquiète. Oui, tu les gardes, t'inquiète. Et alors, Anthony, on fait quoi avec la PS4? Est-ce qu'on l'offre à Charles en signe de drapeau blanc ou est-ce qu'on la garde pour soi? On l'offre à Charles. Charles? Oh. Oui. Tu gagnes une PS4! Bravo! Ouais! Bien joué, Charlie! Tu vois, franchement. Mais si c'est pour que je me la fasse voler encore. Non, mais je Charles, la victime. Bichon, quand même, elle va arriver à la maison, tu la gardes précieusement, personne va y toucher, t'inquiète pas. Ok. Ok, c'est le cadeau d'Anthony, une sorte de cadeau de réconciliation, quoi. Ouais, c'est ça, appelons ça comme ça. Ok, les garçons. Merci beaucoup, les filles. Allez. On vous embrasse, les garçons. Merci, au revoir. Bisous. C'était vraiment un burn, Charlie. Quand même. J'ai envie de lui envoyer 10 balles. Moi aussi. Mais on se cotise. On n'a pas 2-3 autres PS4. Au cas où ça fasse tirer, parce que je sens mal quand même. Bon, ça va être le moment de l'instant Yonf dans l'émission. Parce que, ouais, vous le savez, tous les soirs après 23h30, on aime bien parler de ça avec Clément ce soir qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Il a un truc, Clément, il n'embrasse jamais sa meuf pendant qu'il fait l'amour. Quoi? Oh ouais. Je sais pas, il aime les trucs bestiales, il aime pas l'embrasser. Je trouve que c'est une perte de temps. Du coup, forcément, bah, la meuf, elle est chonchon. Du coup, conflit. Du coup, séparation. Du coup, décès de la personne. Rien ne va plus. C'est un peu rapide quand même. On en parle juste après le double Sean, comme on aime le dire dans cette émission. J'ai Sean et Sean Paul, c'est sur Fun Radio. Pass me a drink to the left, said her name was Delilah. And I'm like, you should come my way. I already surrender. Damn girl, that body's fire. Figure 100 and fit it. Love how you move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me hit it, you know me not quit it. Pondy the hell like Cassie and Diddy. Me not want them, I watch me like Sin City. Full time you run the thing, me talk legit. If you don't come, give me that, would I be a pity? My girl, come me down, want see something me want in a life and then waste time. Are you with me free every day, baby? Full time when you dip on me mind. So me want you forgive. Vous êtes sur Fun Radio, il est 23h46, c'est Marion et Anso et ça y est, il est temps de parler cul avec Clément. Ouais, Clément, il n'aime pas embrasser, il n'aime pas rouler des pelles, surtout pendant qu'il fait l'amour, il trouve que c'est une perte de temps, ça lui revient pas quoi. T'es là mon Clément?

23h est passée, on va pouvoir parler cul. Moi, je reste. Oh, yeah. The Night Show. Sur Fun Radio. 23h52 même, alors on va pas parler fion et bien fion quoi. On va pas y aller, ouais. On était avec Clément de Niort. Alors Clément, il a une particularité, c'est qu'il a horreur d'embrasser sa nana quand il lui fait l'amour. Et moi, c'est un truc que je ne comprends pas du tout. Eh ben, il va nous expliquer, Clément. Alors Clément, raconte-nous pourquoi. Bah, c'est simple, en fait, quand ma nana, elle me suce, après elle veut que je l'embrasse, c'est comme si je m'étais auto-sucé, quoi. Ah, ou si j'avais sucé un mec, tu vois. Mais alors là, ça change tout. Moi, je pensais alors, que... Voilà. Non, mais d'accord, mais admettons, il n'y a pas de fellation. Tu peux l'embrasser. Il faut bien qu'elle m'excite un peu avant, donc si... Enfin, et après, mais même moi je comprends pas. Enfin, même si elle te fait une fellation, tu peux l'embrasser. Enfin, il y a pas de. J'ai pas tout le temps m'en laver. Bah, c'est ta teub, mon pote. Bah oui. D'accord. Tu crois que je me suce ou quoi? Non, je comprends un peu parce que moi, si un mec me fait un cuni et qu'il vient direct m'embrasser après, je suis pas forcément à l'aise. Hein. Ah bon? Ouais, mais vous, c'est pas pareil. C'est pareil. Bah non, il y a un truc qui coule. Bah et vous, il y a rien qui coule. T'as déjà entendu parler du liquide pré-séminal? Bah moi, j'en ai pas. Séminal tout court. Séminal tout court. Mais ça fait ça à tous les mecs? Bah oui, normalement, non, oui, non. Mais toi t'es chelou. Ah non, t'as ça toi aussi? De quoi? T'as un truc qui coule. Un liquide quand t'es excité, mais oui. Max aussi qui fait des blagues? C'est ce qui lubrifie. Enzo? Ah, c'est dégueu. Demande à ta sœur. Non mais Amir, sans déconner, c'est vrai, tous les mecs, quasiment, moi franchement, j'ai connu très peu de mecs qui n'avaient pas ça. Mais et oui. Et voilà, et donc forcément, bah oui, il y a du liquide et oui, un petit. C'est pas forcément. Ça a pas de goût, mais bon. Moi, j'ai pas, moi. Pas forcément. Mais peut-être agréable, parce que quoi. Je suis circoncis, non? Non, mais attendez. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. T'as la tête là-bas. Mais peut-être consulte, mec, par contre. Ouais, ouais, mais c'est bizarre. Non, mais en revanche, par contre, Clément, enfin, moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Et quand il y a rapport cuni, fellation et tout, enfin, je sais pas, t'es en train de partager un moment et je trouve qu'il y a rien de sale. Et c'est pas grave, ça l'aime vous, justement. Je partage mon sexe avec son sexe, c'est bon, ça suffit. Mais moi, je comprends. On va s'embrasser non plus. En fait, ça sert à rien, une perte de temps. En fait, ce que tu comprends pas, Anso, c'est qu'on trouve pas ça sale. C'est qu'on n'est pas hyper à l'aise avec l'idée, quoi. Et moi, voilà, s'il vient juste de sortir du dos, bon, bah, fais d'autres trucs, quoi. Embrasse-moi dans le cou. Ah ouais, alors que moi, ça me choque pas du tout. Au contraire, je trouve ça même hyper excitant. Ouais, ce genre pas. De truc. Ça ouais, dépend. Je fais ça quand t'as 10 ans, quoi. Mais pas. Ah non, non, non, non, non. Et moi, quand j'avais 10 ans, je faisais pas du tout ce genre de délire. Non, hein. Personne ne fait ça quand on a 10 ans. Bah, si, dans la cour de récré, tu t'embrassais, voilà, t'étais contente, t'avais fait ton premier bisou. Mais voilà, ah oui, mais pas après avoir fait un cunis, si tu veux. Ah ouais, non, non. Attendez, parce que. Il y a Amir des réseaux sociaux qui lève la main, il a dû trouver quelque chose sur le liquide séminal. Bah, justement, alors ils disent la plupart des mecs qui sont circoncis ne produisent pas ou plus de liquide pré-éjaculatoire pour lubrifier leur sexe. Ah d'accord, ah, bon bah écoute voilà, c'est un truc à confirmer demain avec le doc, tiens on va lui poser la question. Ouais c'est ça. Belle rassera en tout cas. Faisons ça, mais par contre demande-lui mais hors antenne s'il te plaît. Ouais. Parce que ouais, pas au passage d'antenne. Non, on lui demandera, mais effectivement, non mais de toute façon il n'y a rien de grave là-dedans. Bah non. Mais c'est vrai que nous c'est comme vous quoi, nous aussi, hein, liquide, nous aussi il y a des choses qui peuvent nous dégoûter dis donc. Mais alors Clément du coup une fois que t'es dans ta copine et que vous êtes en train de faire l'amour, tu l'embrasses? Bah non. Bah, ça dépend. Voilà, c'est des bisous de temps en temps la journée, des petits smacks comme ça, mais voilà, tout. Ah, d'accord, donc même si elle te suce pas, tu fais l'amour avec elle, tu vas pas lui rouler une grosse pelle, quoi. Ah non, non, non, non, non, non. Ah bah tu vois, là je comprends pas par contre. Non, pour moi, c'est le truc qui déjà apporte le moment où tu vas commencer à faire l'amour, c'est ce qui enclenche le truc. Bah oui, sinon comment tu t'excites? Pour ça, monsieur, c'est puis c'est bon, ça m'excite. Mais oui, et elle, excuse-nous, mais attends, mais ça va l'égoïste là, comment elle s'excite elle? Avec mon sexe. Bah non, je suis désolée, ça suffit lourd. Pas. Ouais, ouais. Impossible. Non, je suis désolée, mec, mais c'est la première étape, c'est la base. Je sais pas, moi, c'est comme si tu. J'ai 27 ans, ça fait plus de 10 ans, je fais comme ça. Hein. Ah oui. J'avais fait les bisous de préliminaires. Pour moi, c'est pas des préliminaires. Après, faut respecter son choix. Oui, mais c'est comme si tu signais un contrat sans avoir lu les clauses dedans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs, c'est des étapes. Il faut passer par là. Ouais, par contre, elle me fait chier pour que je l'embrasse. Elle croit que je la prends pour une. Enfin, je sais pas si je peux le dire, pour une pute, quoi. Elle croit que. Bah justement. Une pute. Justement, Clément, si t'es amoureux de ta copine, il faut que tu t'essayes de te mettre un peu à sa place et que. Eh bah, il y a d'autres manières de le montrer, l'amour. Alors, on va au resto, on va au ciné, on fait des trucs de couple. Ah, il a pas tort. Non, il a pas tort. Mais arrête. Non mais attendez. Un bisou, c'est la meilleure preuve d'amour, Amir. Le ciné, c'est bon, ça va deux secondes. Mais si. Mais tu vas en boîte, t'embrasses tout le monde, et voilà, c'est une preuve d'amour. C'est débile. Non, vous n'avez pas le droit de dire c'est débile, c'est pas bien. Si lui voit l'amour de cette manière, pourquoi on est obligé de voir l'amour de la vôtre? Parce qu'il est buté. Parce qu'il est buté. Bah, sa copine, elle a besoin de ça. Mais non. Est-ce que vous voulez pas comprendre son avis? Mais si, on veut comprendre, on comprend pas qu'il fasse pas d'efforts, Amir. C'est pas possible. Sa copine, elle souffre de ça. Elle a l'impression d'être une pute. Il veut pas l'embrasser. Si, il a pas envie. Et bah c'est bizarre qu'il ait pas envie d'embrasser sa copine, je suis désolée. Non, mais s'il a pas envie, on n'est pas obligé d'avoir la même envie que tout le monde. Et bah écoute, serre-lui la main, fais-lui des checks et puis bah voilà. Mais si comme une meuf, il y a un truc qu'elle a pas envie de faire, si on va pas la forcer parce que son mec veut. Mais un bisou Amir, on parle pas d'un truc sexuel là. Ouais, mais écoutez, je pense qu'on est tous différents et heureusement, et si le mec n'a pas envie, bah faut respecter son choix. Il faut faire aussi des efforts dans un couple, je suis désolée, dans un couple on est deux. Si ta copine elle a ces besoins là, c'est très bas de dire mais je vais prouver mon amour en allant au ciné, enfin juste une discussion, tu vois là, il y en a pas en fait. Il peut trouver. Il y a pas de dialogue. Non mais après faut accepter je aussi. Faire des efforts. Je pourrais peut-être faire un effort, voilà. Là tu nous parles. On te demande mais Clément. Mais on fera pas qu'elle me suce avant. Mais oui Clément, mais après voilà, te force pas effectivement à faire des trucs que t'as pas envie de faire, mais un smack de temps en temps. Toutes les nanas du monde ont besoin de ça, je te le dis mon pote. Hein. Donc voilà, c'est pas parce que tu te sépares d'elle, la prochaine elle aura aussi besoin de quelques bisous, tu vois. Mais c'est ça, t'es pas obligé de lui mettre ta langue dans sa bouche toutes les 5 minutes. Voilà, ouais, pas toutes les 5 minutes. Je vais essayer doucement, voilà. Voilà. Ah, chacun fait. En missionnaire, je ferai comme ça. Bah voilà. Voilà, bon, chacun fait un pas vers l'autre, Clément. Merci Clément. C'est ce qu'on voulait t'entendre moi, dire. Moi, j'ai quoi en plus? Qu'est-ce que j'ai en plus? Bah, un pack fun. T'auras l'amour de ta copine qui va kiffer beaucoup plus avec toi et qui aura plus envie de te faire des trucs encore. Il y a des vibromasseurs dans le pack fun ou pas? Ah non, mais il y a des casques Marion Anso, t'en fais ce que tu veux. Tu te débrouilles avec, hein. Mais il y a des capotes par contre. Ah bah voilà, c'est des skins. On a besoin de ça, c'est bon. Ah ouais, t'arrives. Vas-y, des skins quoi. C'est skin. Je sais. 01 42 48 5000, en tout cas bah pour nous dire ce que vous en pensez de ce que Clément dit, si pour vous c'est hyper important d'embrasser ou pas. Marion, toi c'est hyper important pour toi ou pas? Ouais, pour moi c'est la base de tout, je comprends pas qu'on le fasse pas, honnêtement je sais pas, c'est un truc, c'est naturel en fait. Moi aussi je suis complètement d'accord avec toi, c'est la vie, embrasser quelqu'un c'est la vie. Attention, c'est pas obligatoire, certaines positions le permettent pas et certaines fois quand c'est bestial c'est pas grave, mais on peut pas passer dur, hein. Voilà, en levrette c'est dur. Oh non, c'est chiant. Ah, disons fait mal au cou. Coup, quoi. Mais non, mais tu te retournes un peu, l'autre se rapproche. Moi, je trouve que c'est vachement. Mais tu vois, par exemple, moi, la levrette et la meuf qui tourne la tête pour me regarder, ça me rend fou. Moi, je veux pas. Hein. Ah ouais? Ah, je veux surtout pas qu'elle me regarde. Ah, c'est marrant ça. Pourquoi? Je sais pas. Ah, parce qu'elle, elle se retourne, Anne Sofra. Anne-Sophra, elle se retourne tout le temps. Bah oui. Il y a Justine de Paris qui nous a appelé là. Bonsoir, Justine. Oh, putain, bonsoir, les filles. Ça va, Justine? Salut. Mais ouais, ça va, mis à part ce petit Clément là qui me fout un peu la rage là. Bah pourquoi? T'es pas d'accord avec lui comme nous? Ah non, mais je suis pas du tout d'accord avec lui quoi. Enfin, pour qui il prend sa meuf? Il prend sa meuf pour une pute ou quoi ce mec? Non, mais attends, Justine, déjà, on a entendu et Clément nous a dit qu'il allait faire un pas vers elle et c'est ce qu'on voulait entendre. Et il a pas dit. Non, mais y a pas de faire un pas vers elle, c'est sa copine. Enfin, je suis désolée, enfin. Moi, mon mec, il me fait ça, il veut pas m'embrasser pendant un rapport ou n'importe quoi, mais le mec, il dégage. Oui, quoi, mais c'est pas ton mec, quoi. Là, en l'occurrence. Ouais. Ouais, puis... mais la pauvre, quoi. Enfin, et puis, si elle veut le sucer et après l'embrasser, s'il a la bite propre, je vois pas où est le problème, quoi. Le raccourci. Justine, elle a appelé pour donner son avis, elle le donne, elle a tout à fait le droit. Voilà, après, Clément a entendu nos avis, il a pris en considération nos avis. Moi, je défends, et puis maintenant, voilà. Mais il n'y a pas à défendre, c'est juste qu'un couple, c'est deux personnes, faut savoir faire des concessions, basta, tu vois. Nous, ce qu'on aime pas, c'est le côté buté, genre, bah non, pourquoi je l'embrasserais, je lui prouve mon amour en allant au ciné, mais mec. Après, c'est peut-être son plan cul, quoi. Il la considère comme un plan cul. Non, c'est sa meuf. Ouais. Bah ouais, bah pour moi, c'est pas sa meuf, quoi. Enfin, et bah t'inquiète, casse. Moi, mes plans cul, je les embrasse pas. Mon mec, ouais, pourquoi pas, quoi. Mais pas. Non, c'est. Il va faire des efforts, chérie. T'inquiète pas. On l'a en main. On va le suivre. On va le filmer. On va te tenir au courant des efforts faits par Clément. Ouais, bah ouais. Et Justine, elle déconne pas, quoi. On t'embrasse. Bisous les filles. Check. Bisous Justine. Rapidement, je voudrais vous demander, l'équipe, est-ce que avant, pendant ou après l'amour, vous faites les choses que je vais vous énumérer? Des câlins? Ah bah tout le temps, oui. Avant, pendant, après. Ok, est-ce que vous parlez? Avant, pendant et après, oui. Ouais. Avant, pendant, non, pas spécialement, mais après, ouais. Est-ce que vous écoutez la musique? Ah oui, tout le temps. Ah bon? Avant, pendant et après. Ouais. Elle fait tout. Elle fait tout. Elle va me dire oui à tout. Non, mais la musique, c'est hyper important quand tu fais l'amour. Ok, est-ce que vous dites des mots sales? Non. Bah oui, Anne-Sophie. Ouais, alors ça, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous débattez de ce qui allait ou ce qui n'allait pas après? Ah non, jamais ça, je fais. Non. Ah, pas de petit débrief? Je suis sûr, il fait des Excel, Manu. Ouais, grave. Mais c'est sûr. Manon, tu es un PowerPoint, alors là, t'as été bonne. Ouais. Là, t'as été mauvaise. Il y a eu un pic. Est-ce que vous vous notez? Non, du coup? Non. Non. Non. Est-ce que vous pensez à la position que vos parents ont fait pour vous concevoir? Ça m'est déjà arrivé, moi. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé. Ah, mais jamais, ah, moi, vous êtes fous. Là, t'y penses, là, du coup. Oui, bah oui, ça m'angoisse. Oh, bah, c'était une bonne cuillère, t'inquiète. Est-ce que vous allez faire un test de MST? Parce qu'après tout, on sait jamais. Bah non, de toute façon, je mets des capotes. Ok. Et non. Est-ce que vous passez le temps parce que vous faites chier comme un sourcil d'Amir sur la tête d'un chauve? L'image est parfaite. Ouais. J'avoue. Pardon Loulou, mais c'était très drôle quand même. Le sourcil sur un vieux crâne. Clément, on t'embrasse, Poussin, et tu nous promets d'aller faire un pas vers ta copine. Hein. Promis, je lui ferai au moins pas plus de bisous. Voilà. C'est bon, bien, ça marche. Top là, bravo. Top là, Clément, on t'embrasse. Ciao, bonne soirée. Bisous, bisous Clément. Bonsoir Mikosé. Bonsoir Marion, ça va? Oui, ça va et toi? Bah bien, vous êtes méchant avec les sourcils d'Amir. Bon, non, on les aime, les sourcils d'Amir. C'est quoi, je t'aime Miko parce que t'es le seul à m'aider. Hein. Oui, mais qui aime bien, châtie bien. Ah, c'est ça. Putain, vous êtes amoureuse alors. Hein. Arrête, on adore tes sourcils, c'est ce qui fait ton charme, on te l'a déjà dit. Posez-leur la question, vous allez voir. Bon, c'est Miko qui vous accompagne là pour Party Fun jusqu'à 1h du mat. Nous, on se retrouvera demain en direct à partir de 22h avec Soprano qui sera notre invité en plus. Ça va être cool. Et on va découvrir son tout nouveau single qui est sorti tout à l'heure qui s'appelle Le diable ne s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Et ça donne ça. Donc si vous avez des questions à lui poser, là, Marion et Anso @funradio.fr. Toutes nos conneries à retrouver sur notre chaîne YouTube Marion et Anso, sur la chaîne YouTube Marion et Anso Gaming aussi. Bruno dans la radio, de retour en direct demain de Fort Boyard. Oui. Sera de retour dès 6h du mat et puis on se quitte en chanson. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Receiver and speakers is strongly recommended. Party. Party. Fun. Dance. Electro. Mikosé Mix Party Fun. Party Fun. La première émission Dance Electro de France. Et c'est parti jusqu'à 1h du matin. Bon début de semaine tout le monde. Peut-être en mode révision pour terminer la soirée. Bon courage à vous en tout cas jusqu'à 1h du mat. Le son de Party Fun. Beaucoup de nouveautés ce soir. Nouveau Tonneuse avec Avicii. Nouveau Jonas Blue. Nouveau Alan Walker. Si vous voulez choisir du son, hashtag Party Fun sur Twitter et la page Party Fun officielle pour le son Michael Calfan dans le premier quart d'heure. Le son de Tujamo. Il y aura également le nouveau Alesso qui arrive avec Ayuan Lano. Et voici Imani. Vous l'avez découvert au mois d'octobre dans Party Fun Deep. Aujourd'hui c'est un tube. Imani. Don't be so shy. Party Fun jusqu'à 1h. C'est en direct. Je m'appelle Mikos. Welcome on board. Hey. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Oh, he is so much closer. And